Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission de Podcastination, les intermittents du podcast. Alors après avoir fait le bilan de la, bah le bilan, après avoir fait un retour sur la saga Pokémon, il y a de cela 2 semaines, nous revenons maintenant pour le test, cette fois-ci du dernier épisode qui est sorti le 12 octobre dernier sur Nintendo 3DS, à savoir Pokémon X et Pokémon Y. Alors on va revenir, on va faire le test du jeu, savoir ce qui nous a plu, ce qui nous a déplu. Et puis ben, pour le coup, on va retrouver la même équipe, la même team, on va dire, pour cette émission-là que pour la dernière émission sur Pokémon. Donc je vais commencer alors déjà avec un invité qui n'était pas présent, mais La honte. à qui on avait rendu hommage dès le début du podcast Pokémon du précédent, c'est Shkao. Bonsoir Shkao. Bonsoir, ça m'a fait très plaisir et ça fait très longtemps. Tu auras quelques petites comment dire, réserves, Remontrance à faire, ouais. voilà, vis-à-vis Non, de ce qui a écoute. pu être dit lors de la dernière émission. Oui. À côté de toi, mais même très À loin, très côté. loin de toi. À 400 km. Un peu plus même, Gallium. Bonsoir Gallium. Bonsoir. Ah oui, non, pas un peu plus, non. Alors, prêt pour ce deuxième podcast Pokémon? Toujours. On va retrouver également Kurita. Bonsoir Kurita. Bonsoir à tous. Bah pareil, hein, prêt à partir à l'aventure. Je suis prêt. Yeah. Également Lougar. Bonsoir Lougar. Salut, bonsoir. L'homme qui dit des bêtises sur Digimon, c'est C'est ça, et qui parle des nazis. c'est impossible. En même temps, Digimon. Et les nazis, c'est pareil. Hein. Oui, mais Digimon, les nazis, c'est la même chose. C'est la Une même minute chose. cinquante et le point Godwin est arrivé. Non, mais c'est mon rôle. C'est bon. C'est notre rôle aussi de t'auto-censurer avant même que tu dises Ah. les bêtises. Évidemment. Enfin, c'est vrai que faire le rapprochement entre les nazis et les Pokémon, c'est assez. C'est venu tout seul, hein, quand Oui, même, je oui. tiens à le dire. Évidemment, à mes côtés, on va également retrouver Toon-Toon. Bonsoir Toon-Toon. Bonsoir. Et puis voilà, on va pouvoir Bah c'est partir. tout, Et puis c'est vous, C'est tout. J'étais Il fait surpris. partie des meubles, on le laisse là. Il est Mais dans voilà, son coin tranquillement. à la manière du 151e Pokémon, c'est celui qui n'est pas prévu C'est un et bug. qui est là. Voilà, exactement le bug. C'est missing. Alors, pour commencer, on va revenir à une petite introduction, notamment par Skao, qui Oui. va revenir, puisqu'il n'avait pas pu, il n'avait pas pu parler lors de la précédente émission, étant donné qu'il était absent. Previously Previously on Pokémon. on. Bah, tu vas revenir, tu t'as souhaité revenir notamment sur les nouveautés qui ont pu être apportées, mais qui ont été apportées par les versions précédentes du jeu. Tout à fait, oui. Les bases des systèmes de combat qui ont été, comment dire, affinées, améliorées, chamboulées, souvent, dans les différentes versions. Donc, déjà, j'aimerais faire ma petite correction là sur les piles de sauvegarde rapport au dernier podcast. Désolé. Ça le titille, quoi. Ah non, attends, Je attends. ne peux pas laisser passer ça. J'ai un doc de changement de pile de sauvegarde. Non, alors en fait, ouais, les piles qui servent pour l'horloge des versions or, argent, cristal servent également à la sauvegarde. Et c'est là la carotte en fait, c'est là qu'on se fait tous conneler, c'est que lorsque l'horloge marche plus, ta sauvegarde, ben tu l'as perdue. C'est ce qui m'est arrivé moi, les 250 heures que j'avais dessus, ben fini quoi. Dommage. Ah. Ouais, ça fait un peu mal. Et ce qui n'est pas le cas, je crois, des troisième génération, où là par contre l'horloge s'arrête et puis bon, tu peux continuer à jouer au Oui, jeu quoi. ouais. Ils ont changé le système de sauvegarde pour Troisième Game Boy génération, Advance. c'est les épisodes sur Game Boy Advance. Hein. Ouais, Ça. rubis, saphir, émeraude, rouge feu, vert feuille. Ouais, c'est ça, voilà. Bon, voilà, cette petite précision faite. Oui, comment ça s'est déroulé Pokémon? Alors Pokémon, ça a commencé par et sinon ça a commencé par les versions rouge et verte ou bleu ou jaune ou parabolique et vice versa. Alors le principe de base, on se Ça trimballe, commence très bien. n'est-ce pas? Je suis fan. L'histoire de Pokémon revisité par Shkao. Oui. Alors, bref, le principe de base, on se trimballe une équipe de 6 Pokémon, on ne peut en envoyer qu'un au combat à la fois. Les 151 Pokémon de ces versions ont des stats d'attaque, de défense, de points de vie, de spécial et de vitesse, avec une composante cachée dont on ne parle jamais dans le jeu, On y reviendra. Chaque strum ne peut conserver que 4 attaques sur toutes celles qu'il peut apprendre durant sa carrière, et elles sont limitées en nombre d'utilisations par des PP. Il y a 15 types, je ne vais pas tous les citer, qui sont efficaces ou non entre eux en suivant un principe de pierre, papier, ciseaux plus compliqué, le type Psy pouvant dans cette génération être comparé au type Chuck Norris. Et sinon, on peut toujours... C'est pas faux. Non mais il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Ah grave. Hein. Bon, sinon, voilà, on parcourt la région pour casser du champion d'arène ou la team mafieuse locale, ici la team Rocket. Il y a 4 légendaires et un qui ne peut être obtenu que par Nintendo, soi-disant. Ensuite, la seconde génération. Alors, ce sont les meilleures versions. Je vois m'arrêter là. Commence le parti pris tout de suite. Ouais, elles auraient dû même être les dernières versions parce que le jeu aurait dû s'arrêter à Or et Argent. Exact, à Pokémon 2, en fait, au début. Ouais, ça s'appelait Pokémon 2 ils au début. Ils se sont dit, oh, ça rapporte quand même un petit peu de pognon. Voilà. On peut pas arrêter tout de suite, les gars. Hein. Ils ont nagé à travers leurs billets, puis ils ont fait, arrêtez tout, c'est pas les dernières. Voilà. Exactement. Bref. Quoi qu'il en soit, en plus des 15 billions d'améliorations apportées à l'univers par cette génération, l'aspect combat se trouve enrichi par l'apparition de 2 nouveaux types. Ténèbres et Acier apportent un tout nouvel équilibre au jeu. D'ailleurs, moi, je ferais pas le malin face à un Tyranocif si j'étais un type Psy. Je ferais pas le malin face à un Tyranocif tout court, d'ailleurs. La stat de spécial est désormais divisée en 2, attaque spéciale et défense spéciale, c'est important. On peut aussi échanger ces Pokémon avec les anciennes versions, excusez-moi, et ce, dans les deux sens. Faut voir que ce sont les seules générations à faire ça. D'habitude, c'est toujours vers la génération d'après. On a donc 100 nouveaux Pokémon, dont 5 légendaires, et un de plus qui est distribué par Nintendo ou un Game Shark, sur ce que vous avez. Les troisième générations, Ruby, Saphir, Emerald, Rouge-Feu, Vert-Feuille. Alors là, par contre, on peut plus transférer ces anciens Pokémon vers ces versions-là, c'est impossible. Faut dire qu'on passe d'un codage 8 bits à 32 bits. C'était réalisable, mais ça n'a pas été fait, et sûrement pour le meilleur, parce que il y a toutes les stats cachées dont je parlais précédemment sont beaucoup plus modulables et limitées en même temps. Tout le système de V et d'IV dont on parlera peut-être a été entièrement refait à partir de cette génération-là. Il y a également la nature des Pokémon qui arrive, ça influe également les stats, et d'ailleurs, avec tout ça, l'équilibre est complètement rompu, faut refaire toute la stratégie, ce qui est pas mal. On a 135 bestioles en plus là-dedans, dont 8 légendaires cette fois-ci, et 2 de plus qui sont distribués par Toys R Us. Voilà, donc en tout, pour ces nouvelles générations, il faut donc acheter au total 7 nouveaux jeux pour avoir le Dex complet. Pokémon Channel surtout. Et Pokémon Channel, ouais, si on veut. Donc voilà, pour les quatrièmes générations, alors je parlais d'équilibre rompu pour les troisièmes, mais là, enfin pour moi, c'était complètement cassé, puisque auparavant, chaque type d'attaque pouvait être classé entre physique et spécial. Tu avais par exemple feu, eau et plantes qui sont spéciaux, normal, combat, roche qui sont physiques. Mais maintenant, il peut y avoir une attaque physique de type psy ou une attaque spéciale de type combat, ce qui change tout, puisque désormais, dans le metagame, les tanks physiques et spéciaux sont virtuellement inexistants. Le jeu est nettement plus agressif à partir de cette génération-là, et certains Pokémon qui ne pouvaient bénéficier à leur juste mesure de leur type en sont désormais capables. Par exemple, je pense à Léviator qui devient complètement lol avec Hydro-Queue qui est boosté par à la fois son type eau et sa stat d'attaque complètement furieuse. Donc on a 107 nouveaux Pokémon, dont 9 légendaires, 2 autres qui peuvent être attrapés dans Pokémon Ranger, et 3 autres qui sont distribués par Nintendo, ce qui fait 14 légendaires sur 107 monstres. Pas mal. Oui. Ça fait 10% quoi. Ouais, un brave 10%. Ouais. Pas mal. Il est format. Il sait compter. Ouais. Voilà. D'ailleurs, je sais compter en Pokémon. Attention. On verra que dans XY, finalement, ils sont un petit peu calmés quand même là-dessus. Et c'est pas plus mal. Ouais. Donc, dans Noir et Blanc, donc, la liste exhaustive des changements qui s'opèrent dans le système de combat sont. Oui, voilà. C'est fini. Merci, au revoir. Sérieusement, non, la cinquième génération, j'ai beaucoup aimé, mais elle apportait rien au jeu, quoi. Par contre, c'était plus fouillé en termes de background, on va dire. C'était pas le gameplay le centre du jeu. Voilà, exactement. Et ils ont essayé un petit peu de rapporter de la fraîcheur, puisque les 156 premiers Pokémon qu'on peut trouver dans le jeu sont tous exclusifs. On les a pas vus dans les générations précédentes. C'est la plus grosse fournée qui ait jamais existé, même en comptant la première génération, c'est dire. Donc on a 9 légendaires attrapables cette fois-ci, et 4 autres par Nintendo. Voilà, et c'est là que je mets fin à mon monologue. À vous, messieurs. Enfin. Pas mal. Et dire qu'on a mis pas combien d'heures à faire voilà, ça. 2h30 la dernière fois, résumé en 4 minutes. Non mais c'est bien, c'est bien. C'est ça le talent, les mecs. Ça permet de replacer les choses dans son contexte. Oui. C'est une bonne chose pour commencer. Alors... Faut savoir, donc pour Pokémon XY, donc le jeu est sorti le 12 octobre dernier, donc il y a un petit peu plus d'un mois, alors on enregistre ce podcast. Le jeu a été annoncé finalement cette année, en début d'année 2013, puisque c'était par le biais de la fameuse communication Nintendo, à savoir un Nintendo Direct spécial Pokémon. Nintendo Directo. Nintendo Directo. Où on découvrait finalement pas mal d'éléments sur ce nouveau Pokémon. Déjà, on pouvait découvrir le lieu, en tout cas le pays, la zone géographique où pouvait se dérouler ce prochain Pokémon, puisqu'on la vidéo commençait par l'apparition d'un Pokémon, de Pikachu, pardon, de Pikachu, ouais. avec une tour Eiffel. Non, c'est pas maintenant, merde. Et donc on découvrait forcément le starter de départ, donc Marisson, Fennec et Grenousse, avec forcément à chaque fois le même type hein, que les starters précédents, à savoir Plante, Feu et Eau. On découvrait également le nom X et Y. Alors du coup, on se dit forcément pour le troisième jeu, ce sera forcément Z. Et notamment deux Pokémon légendaires, à savoir Xerneas, le cerf, et Yveltal, le dragon rapace, donc très difficile à prononcer. Le dragon rapace, quand même. C'est un dragon ténèbre, monsieur. Il y a un micro qui est mort. Henri Gallion, recrache ce micro tout de suite. Exactement. Voilà, c'est mieux. C'est mieux quand il parle pas. C'est ça, voilà. Appuie sur mute. C'est très bien comme ça, c'est parfait. Appuie sur méchant. Power, s'il te plaît. Donc, alors après, au fur et à mesure de l'année, on a eu des nouveaux Pokémon qui ont été présentés. Et donc, alors là, je vais vous laisser en parler, notamment par rapport à l'introduction du nouveau type qui est le type fée, puisqu'on avait vu notamment une des évolutions d'Evoli sans qu'on ait son nom. C'est bien ça? Voilé de mystère. En fait, on avait le nom de la nouvelle évolution, Nymphalie. Néanmoins, on ne savait pas à quel type il appartenait. Ils ont fait, ben voilà, c'est d'un certain type. Au revoir. Un peu de choses près. Et c'est grâce à ça, grâce à ce petit mystère qui a duré quelques semaines, qu'ils ont introduit le nouveau type fée. Voilà, c'est ça en fait. Qui fout le bordel total dans le jeu. Ah ouais, et ça c'est génial. Qui permettait de contrebalancer le... Acier. Le type dragon notamment, et de redonner aussi, parce que c'est aussi important, du coup redonner de l'importance au type poison. Ah oui, parce que alors, le poison il a jamais servi à rien. Jusque là. Ouais. C'est efficace contre quoi? Insectes? Un truc comme ça? Bon. Non, plante, c'est efficace. Ah d'accord. Et c'est à peu près tout, ouais. Alors on a vu aussi des modèles de 3DS qui ont été présentés, notamment 3DS XL Evoli. Mais je crois qu'il n'est pas sorti, pas sorti du Japon. Elle était en fait en plusieurs tons de marron, on va dire, mais qui était vraiment, vraiment sympa. C'était choupidoupi. C'était tapisserie grand-mère, je c'est trouve. Ça, oui, c'est ouais. Ça, ouais. Un petit peu. Mais il y avait des évolis, alors c'était choupidou. Mais exactement. Voilà. C'est Gauthier de base. Oui, évidemment. On se souvient, même si ça a été présenté bien avant, la 3DS Collector de Dragofeu qui était quand même ultra classe. Ouais. Donc c'est quand même pas mal, je trouve. Hein. Le noir avec le orange comme ça dessus, c'était plutôt bien trouvé. Alors on a eu aussi avant que le jeu ne sorte, on a découvert les méga évolutions. Alors qui permet d'avoir des méga Pokémon avec des c'est méga plus des fort. Méga gemmes. Et puis après c'est méga trop bien. Et puis après c'est méga abusé, c'est méga déséquilibré. Et le pire, voilà, c'est que tous les Pokémon n'ont pas le droit à ce traitement de faveur pour cette dernière version. Donc, super le favoritisme à Dracaufeu, hein, génial, ouais. Génial. Attention, on verra ça, Pokémon pourri, overhypé. Tardine. On verra ça tout à l'heure quand on évoquera ces méga évolutions notamment. C'est aussi, alors Pokémon, on parle de Pokémon XY, mais faut pas oublier non plus que c'est la sortie le même jour sort la Nintendo 2DS. Oui, la blague. Donc bon courage pour la brique. La communication, c'est ça. Alors, le seul truc que je trouve bien par rapport sur cette console-là par rapport aux autres, c'est les gâchettes. Qui sont, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Mais je préfère donner mon avis. Il n'y avait pas besoin des gâchettes dans Pokémon. Tu peux t'en servir, attention. C'est vrai. Comme du micro. Alors ensuite, dernière annonce avant la sortie du jeu, donc c'est au début septembre, il y a eu la présentation de la fameuse banque Pokémon qui sortira à Noël au Japon. Alors le service permettra de stocker ses Pokémon dans le nuage. En raquant des sous-sous quand même. Hein. Ah oui, c'est $5 annuels. Hein. Bon, et oui. D'ailleurs, je peux rager un petit peu, s'il vous plaît. Oui. Oui. Bah, ouais, alors je moi, vais voilà. Te suivre, je pense. Ouais. Alors moi, je suis le mec qui n'a rien à foutre dans ce podcast, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire en écoutant les 5 premières minutes. J'ai pas le jeu, tout simplement. Moi, j'attends la version Z ou X2, Y2, je m'en fous. C'est tout à ton honneur. Parce que ça fait 5 générations que je me fais carotter à chaque fois. Donc, et là, et là, en fait, vous autres qui avez déjà le jeu, vous allez pouvoir avoir un mois pour transférer tout aux anciens Pokémon gratuitement. Et moi, trop pas, en fait. Ah, et oui. Voilà. Bah, ils referont peut-être une offre au moment c'est de... C'est possible. Hein. Tu parles. Ils vont faire payer le double, ouais. Tu pourras quand même stocker 3000 Pokémon, quoi. Ouais, la moitié de ma collection, quoi. Genre. Ok, que c'est parce Pokémon, que les boîtes, elles en contiennent combien, normalement 25 ou 30, ouais. 30, il me semble, ouais. Et il y a 8 boîtes. D'accord. Donc ça fait 8, pas mal. 38, ça fait déjà pas mal. 1 million. Bravo. À peu près. Bravo. Ça fait 240, en fait. Oh voilà. Alors il y a également... Calculatrice Windows dans la place. Ouais, non, calcul mental. Il y a également l'application Poké Transfer qui permettra de récupérer les Pokémon des versions noires et blanches. Et là, je laisse donc du coup Shkao qui va faire son quota discussion, donc notamment sur l'historique des transferts entre les versions. Voilà, bah, exactement. Qui avait commencé même dès le début, quoi, dès les premiers... Dès la deuxième génération, en fait, ouais. Forcément. Alors donc oui, comme je le disais auparavant, on pouvait échanger entre la première et la deuxième génération, donc entre rouge, bleu, jaune et or, argent, cristal, dans les deux sens. C'est-à-dire que si tu voulais échanger vers la version bleu-rouge, si tu avais la deuxième génération, tu devais juste faire gaffe à envoyer un des 151 premiers Pokémon et qu'ils aient pas des nouvelles attaques. Voilà, c'était simple et basique, et tu pouvais échanger comme ça, enfin sauf si, comme chez moi, le câble Link se débranchait en plein milieu. Alors, à partir de la troisième génération, ben, on s'en foutait un peu. La troisième génération, on s'en foutait un petit peu, hein, tout simplement, voilà. T'oublies tes anciens Pokémon, de toute manière. Pour la quatrième génération, alors en fait, si je me rappelle bien, tu pouvais mettre la cartouche Game Boy Advance dans le port GBA de ta Nintendo DS ou DS Lite, si tu avais une DSi, ben tu etc. Hein. Ouais, c'est comme voilà, n'est-ce pas. Il fallait envoyer donc les Pokémon de la 3G vers la 4G et uniquement dans ce sens, ouais, c'est ça. En passant par une espèce de parc safari où de toute façon tu super pouvais gagner. Voilà. Oui, et super chiant. Hein. Ouais, 6 par jour, etc. Ah, si, etc. Il y avait un système de points, j'ai jamais rien compris. Il te donnait un score, ouais, tu as tel score, mais comment tu calcules, bonhomme? Comment tu calcules ça le score rien, ça ah ouais. Voilà. Sinon, quoi. Bref. Faire. Et donc, ça c'était pour de la 3G vers la 4G, de la 4G vers la 5G. Alors, attention, là aussi il faut s'accrocher. Il fallait. C'est de plus en plus cher en fait. Ouais, il fallait télécharger en envoyant depuis Noir et Blanc un mini logiciel qui permettait d'envoyer ses Pokémon vers la 5ème génération, rien que ça. Et donc si tu voulais transférer de la 3G vers la 5G, il fallait passer par le port cartouche GBA pour aller vers la 4G et de la 4G envoyer grâce à un logiciel. Et on n'a pas terminé. Donc, puisque de la 5G vers la 6G, et uniquement dans ce sens-là à nouveau, on passe donc par le système de clone via un logiciel gratuit mais qui demande un logiciel payant pour pouvoir marcher. C'est ça. Donc, je résume et là je vais prendre une grande inspiration. Si tu veux envoyer de la 3G vers la 6G, il faut que tu utilises le port GBA pour envoyer dans le Safari, dans la 4G, tu peux envoyer vers la 5G grâce à un logiciel, et de la 5G, tu peux envoyer vers la 6G en utilisant le cloud. J'aurais jamais cru que t'aurais assez de souffle. Voilà. C'était vraiment long, ouais. C'est que Nintendo fait les choses simplement, en fait. Ouais, ah oui, toujours. La simplicité. Hein. Et puis, c'est pas cher. Non, jamais. Évidemment. Nintendo, la technologie. C'est ça. Le service des profits. Gagner de l'argent. Ils sont pas fous, mais ils sont pas fous parce que je pense que ça avait pas mal marché la Pokébank. Ah, mais carrément. Pokémon. Et en fait, tout le monde les attendait plutôt sur genre des DLC de Pokémon, genre tu payes en fait ton légendaire exclusif ou un truc comme ça. Oh, et puis, quelle horreur. Bah, tout le monde planche. Qui paierait pour ça? Misait là-dessus, quoi. Qui paierait pour ça, si tu savais. Non, mais c'est ça, j'essaye de. Je me protège. J'attends qu'on pourra acheter des niveaux d'expérience, en fait. Ah oui, les packs d'XP. tu veux augmenter, tu veux apprendre Ultra Laser ton Pokémon niveau 5? Tu peux. Si tu achètes le DLC, ça peut être pas mal ça. Pour avoir la super bicyclette sponsorisée qui va deux fois plus vite. Pour avoir une fusée future. Pour avoir un scooter. Waouh, putain. Ah ouais, j'avoue. Scooter dans Pokémon. Le scooter dans Paris, c'est la base. Hein. Un 4x4. Bon, rigolez, mais moi j'achète. Hein. Le meilleur Pokémon. Le Vélib. J'achète le scooter. Moi. Et bien on va pouvoir rentrer tout de suite. Tu pourras acheter des skins de scooter après. Ouais. Tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet, donc du test, fameux test de Pokémon XY. Alors pour le coup, comme c'est la première fois qu'on fait ça, notamment sur un podcastination, au niveau de la trame, on s'est dit bon, on va réutiliser tout le parcours, c'est-à-dire qu'on va partir de Bourg-Croquis en expliquant les différentes choses, différents éléments que l'on a pu découvrir à ce moment-là, et d'avancer au fur et à mesure dans l'aventure, et parler des différents éléments que l'on découvre, en même temps qu'on découvre les différentes villes du jeu. Si c'est pas clair pour vous, c'est clair pour moi, c'est le principal. Non, mais c'est bien. Et puis, j'avais compris, envoyez un fax. Pour prévenir, ça va spoiler à fond. Alors, on le dit dès le début, à la fin, on gagne, on vient le mettre de la ligne. Voilà, ça, voilà. C'est bien. C'est-à-dire non, que, spoiler c'est pas vrai, mais j'ai pas le jeu, moi, sérieux. Ah. Pourtant, t'as été prévenu avant. On a prévenu avant, on a expliqué ce qu'on faisait. Oui, on a prévenu Shkeo avant le podcast. Ah, je croyais que c'était juste pour que je parle moins, en fait. Ah, bah, c'est raté. La mémoire sélective, quoi. Alors, on débute dans cette magnifique petite bourgade qui s'appelle Bourg-Croquis. Référence à l'art, hein. La France. Lumière. Voilà, c'est la France. Ah. On se lève, oui, déjà, oui. On se réveille. Alors, j'ai l'impression que plus on avance dans les versions, plus on a une chambre qui est grande pour le héros. Oui, bah ça, c'est... La télé aussi. C'est une mesure anti-crise, en fait. Et par contre, est-ce que la mère dort toujours dans la cuisine? Je crois, toujours, ouais, oui, je crois. Oui, oui, oui. Ouais. Oui, parce qu'à la fin du jeu, on y retourne bon, et elle est encore dans la cuisine. Je pense qu'elle squatte la chambre quand on n'est pas là, d'où le fait qu'elle nous pousse vers la sortie. De toute façon, il n'y a qu'une seule chambre, non? Eh, ouais, voilà. Un escalier, une chambre. On ne lui dira pas que le héros est doté d'une Wii U noire, donc c'est un vrai joueur. Quoi. C'est un peu irréaliste, hein, parce que personne ne ouais, c'est classe. Un hardcore gamer. Quoi. Oh là là. Il y en a un qui est. Une garde-robe gigantesque mais vide aussi. C'est à toi de la remplir. Hein. Ah, c'est ça. Et donc, on sort, on découvre. Déjà, graphiquement, on découvre le jeu, quoi, même sur la. Et le Rhinocorne. Ouais. Et le Rhinocorne, exactement. Le qui est une des, une des nouveautés d'XY. Qui sert à rien. Qui sert absolument à rien et qui est ultra chiante. C'est vrai, c'est tellement chiant. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, déjà, par rapport à ce premier tour graphique quand vous avez découvert le jeu? C'est pas très joli. Ça pixelise moins que noir et blanc, mais c'est déjà c'est bien. C'est vrai, ça. C'est pas dur en même temps. Ça pixelise moins, quand même pas mal. Ça fait moins bouilli, hein, carrément. Ouais, ouais. Non, moi j'ai trouvé ça plutôt agréable. C'est ouais, pareil, ça change quand même joli. Ouais, c'est pas moche. L'aliasing est présent quand même. Hein. On sent que. C'est, ouais, ni ouais. Moche, ni très beau, mais c'est vrai que c'est. Ce qu'il faut préciser. La direction artistique rattrape quand même la qualité. Bah, c'est ça qui fait tout. On quoi. Peut pas activer la 3D quand on est dans le monde. Et oui, et ça c'est beau, parce que la 3D ils l'ont totalement squeeze. Hein. Ah ouais. Oui. D'où la 2DS et tout. Hein. Voilà, 2DS, ça se voit qu'ils en avaient vraiment rien à foutre, mais ouais. Complètement. Ah, mais c'est bien parce que nous non plus en fait. C'est vrai. Bah oui, oui. Mais non, c'est tellement faux. J'aurais kiffé avoir tout le monde en 3D, surtout que. Et la baisse de framerate, des... ouais, divisé par deux. Ouais, mais bon, on s'en fout. Tu vois d'ailleurs la baisse de framerate quand tu mets la 3D dans un combat. En combat, c'est. Ouais. C'est impressionnant. C'est atroce. C'est le coup dur. Ouais, mais c'est tellement cool avec les angles de caméra et tout qu'ils font sur certains passages. Ça fait du feu. En 3D, j'avoue, c'est joli, mais. J'avoue, c'est joli, mais bon, tu. T'appuies sur 3D et là, boum, tu passes à 15 FPS et tout. Mais ça fait du feu. Voilà. Déjà que même quand c'est pas en 3D, ça rame. Donc... C'est pas faux. Après, quand il y a de la grêle ou du sable, ouais, c'est vrai que ça rame. Quand les affiches de Pokémon en même temps face à face. Et encore, oh là là. Et encore si tu mets la 3D plus et qu'en plus t'as un combat dehors, alors là t'es à 2 FPS quoi. C'est quand même la même console qui a fait des jeux comme Ocarina of Time 3D et ouais. Tout, qui tournait très bien la 3D allumée sans la meilleure. C'est vrai, Resident Evil Révélation, ouais. Aussi, ouais, tout à fait. La 3D était très bien gérée. Et, donc, Game Freak, ça change rien, les mecs, on vous kiffe. Ah, mais là, attends, ils avaient 70 Pokémon à inventer. Ils avaient pas le temps de tout faire en même temps. Non, mais surtout les anciens en 3D à tout refaire, toutes les animations. Ah, c'est vrai que quand même, ils ont dû s'en mordre les doigts. C'est peut-être pour ça qu'ils n'en ont pas fait beaucoup de nouveaux. Ouais. Mais en même temps, j'ai envie de dire, Pokémon, ça n'a jamais été une démonstration de puissance graphique. Ouais, c'est vrai, clairement pas, oui. Rappelez-vous des épisodes GBA. Ah oui, on peut ressortir le mec. Ah non, je l'ai plus, merde. Ouais, mais de là, est-ce que ça rame pour un truc voilà. Surtout quand t'as deux Pokémon à afficher. Imagine quand tu mets la 3D avec les combats en 2 contre 2, quoi. J'ai même pas osé essayer. Moi, j'ai fait 3 contre 3. Il y a des bandes, quand t'as j'avais des peur bandes. De me brûler les mains en touchant la 3DS, tellement ça chaufferait. Donc la 3D, pour le coup, voilà, on sent que de toute façon, ça n'a pas été travaillé pour tout le monde s'en fout, ouais. Aussi bien voilà. Nous que eux. C'est ça qui est beau. Puis oui, puis après les combats, on peut peut-être en parler rapidement dans le sens où il y a, je trouve, il y a une mise en scène qui est beaucoup plus dynamique qu'avant. Ouais, c'est sympa. Puis ça va vite, ça ralentit même pas le fait qu'il y ait des animations. C'est ça qui est cool. Ouais, ouais, c'est moins chiant que Stadium, par exemple. Ah oui. Ouais, carrément. Parce qu'on aurait pu croire que ça ralentirait, mais c'est pas aussi haché que dans Stadium, parce que Stadium c'était juste tu remplaçais les animations d'attaque, mais ça gardait le même rythme. Alors que là, ça va vraiment plus vite. Et puis, même quand tu fais rien, t'as des angles de caméra qui changent, t'as le split screen qui peut arriver. Il se gratte les oreilles. Juste à ce moment-là, tu peux choisir le d'attaquer et ça revient tout de suite sur l'écran initial, hein, sur l'angle initial de vue, quoi. C'est pas plus mal. Il y a aussi un truc que j'aime beaucoup dans les trucs dans les combats, c'est les décors. Surtout en extérieur, je les trouve assez jolis en général. Si tu es sur le pont, il est pas mal. Sinon, on préfère les personnes. Voilà. Et bien voilà. J'avoue, j'ai pas fait gaffe. Voilà. Ça y est. Non, en fait. Ouais, ça fait décor peint un peu, c'est sympa. Donc, Bourg Croquis. Alors, on quitte Bourg Croquis et puis on tombe sur un tutoriel. De ouf. Tutoriel habituel, c'est-à-dire que on va t'apprendre à attraper un Pokémon. Oh. Et oui. Bon Dieu. Faut penser aux enfants. Il faut penser aux enfants. Ouais, mais j'attends calmez-vous, pensez aux enfants. J'attends tellement le jeu Nintendo où tu auras la possibilité, tu auras l'option. Avec tutoriel ou sans tutoriel, tu vois. Mais là, il y a encore mieux. Parce qu'il y a la carotte, elle l'a fait là, un moment au début. Hein. Est-ce que tu sais faire ça? Tu lui dis oui, elle t'explique. Tu lui dis non, elle dit ah oui, donc tu sais qu'il faut faire ça et ça pour faire ça. Oui, c'est ça. Oui, je sais. Mais oui, je sais. Je viens de te le dire. C'est au cas où si t'avais ripé, tu vois, t'avais mis non à la place de oui. Il faut le choix, quoi. Et puis c'est arrivé à plusieurs d'entre nous, notamment comme on connaît le principe, on va acheter des Pokéballs, on va faire un premier combat pour récupérer un Pokémon, et juste derrière t'as quelqu'un qui dit hey, ah c'est ça, tu veux que je te montre comment on attrape un Pokémon, t'es à fond dans le truc et puis on dit hop, on peut pas si vite. Mais c'est ça, je pense que ça c'est le truc où ils prennent pas en compte le fait que t'as pu le faire avant, quoi. C'est un peu pas si ridicule, quoi. Mais heureusement, un bonheur n'arrivera jamais seul. Et oui. C'est le cas de le dire. Nous ne sommes pas seuls dans l'aventure, puisque... Bonjour, monsieur Vincent. D'ailleurs, elle est présentée comme ça. D'ailleurs, c'est une bande d'amis, c'est ça? Ils sont 5. Des gros relous. C'est une bande d'amis, une bande tu les connais pas, mais ils deviennent tout de suite tes meilleurs amis. Hein. Et puis, t'obliges à te mettre à donner un surnom. Ah oui, mais ça, c'est génial. Moi, ils m'appelaient tous chef. Alors, moi, j'ai remis le même nom que je m'étais mis, en fait. Je me suis pas emmerdé. Non, moi, ils m'appelaient maître. Ouais, mais voilà, des trucs comme ça, c'est bien, c'est sympa. C'est bon esprit. C'est ça. Et donc, voilà, c'est eux finalement qui nous offrent le choix du premier Pokémon, du starter. Ouais, parce qu'ils sont tous très sympas, ils ont pas envie de choisir leur propre Pokémon. Ouais, voilà. Ça, c'est le charisme naturel, c'est l'aura. L'altruisme. Et c'est l'altruisme. Moi où en fait, ces gamins-là, ils ressemblent un petit peu à la bande de gamins dans Détective Conan. Ah, en même temps, je pense qu'il ressemble à un peu toutes les bandes de gamins du monde. Non, mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup. Il y a toujours un petit intello, un gros sympa, la fille mignonne, la fille intelligente. C'est toujours les, enfin, Scooby-Doo, ça marche aussi, quoi, presque. C'est vrai. Et du coup, je vais pas me demander, puisque c'est à ce moment-là qu'on choisit notre Pokémon. Vous avez pris quel Pokémon, vous? Grenousse, évidemment. Marisson. Grenousse. Ouais. Ikewei. Ouais. Personne n'a pris de Fennec, quoi. Bah non. Non. T'es fou, ah, je connais des gens qui ont pris Fennec. Hein. Je ne dénoncerai pas, mais. Mais c'est qu'ils ont pas vu l'évolution de Fennec, alors. Voilà, j'ai vu Goupelin, je fais non. Ça ira, merci. Bon, non, ouais, mais si Grenousse, c'est évidemment. Sont, forcément le meilleur. C'est trop kikou, les ninjas, quoi. En plus, il est vraiment dark, c'est ça qui est beau. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment un ninja dark. Shinobi, quoi. Alors. La bande d'amis va nous aider, va nous alors, nous gêner, vous ralentir. Alors au début, moi j'aime bien parce qu'il y a un des personnages, une des filles qui nous suit continuellement, mais qui nous permet de remettre tous les Pokémon à niveau au niveau de la. Ouais, qu'à certains passages. Oui, après juste pour la première forêt, après Escasse, ouais. Et puis faut que t'ailles directement tout de suite au centre Pokémon pour. C'était déjà dans Noir et Blanc, ça, quand on avait quelqu'un qui nous accompagnait. Ouais, et puis dans la quatrième, ouais. Dès qu'on a quelqu'un qui nous accompagne, ça fait des combats. Ça faisait des combats doubles, et puis oui, à chaque fin de combat, on pouvait se soigner. On était soigné automatiquement, mais. C'est aussi dans la forêt, la première forêt, qu'on découvre Pikachu. Oh là là, oui. Incroyable. Qui fait pika pika alors que tous les autres ont gardé leur cri pourri. C'est dégueulasse. Accord du favoritisme, quoi. C'est dégueulasse, ce jeu. Surtout j'aime bien parce que juste avant t'as un personnage qui te dit eh, je crois qu'il y a des Pikachu sauvages dans cette forêt. Bah, c'est un petit peu un clin d'œil d'ailleurs. Enfin moi je l'ai pris comme un clin d'œil à, ah ouais. à la première génération. Donc, la forêt surtout qu'elle la forêt est faite exactement pareil la forêt. C'est vrai. Sauf que l'aile en 3D. Alors même pas aller. Attention. Alors, puis il y a plus d'insectes. Ouais. Ouais. Oui, ah, c'est un truc aussi. Sur chaque route, il y a beaucoup plus de, Pokémon vrai. Différents. Ça, c'est et ça, bien. C'est vraiment cool. C'est bien, ouais. Pour une fois, on n'a pas à faire que des échanges. C'est vraiment, ça apporte un peu de vie, je trouve, quand même, ouais, le truc. C'est de tomber sur les trois mêmes tout le temps. Là, t'en as vraiment des rares sur lesquels tu tombes pas souvent. Tu vois un peu de tout, ça tourne. Bah, en même temps, ils en avaient 702 millions à dispatcher sur 14 routes, donc bon, forcément. Ah ouais, c'est les bons côtés du truc. Ouais. Les mauvais, c'est qu'on a que 6 places dans l'équipe. C'est ça. C'est vrai. Et puis tu tapes pas que des chenipans ou des espicots, quoi. Ouais. Au début, t'as des bons. Ouais, c'est sûr, c'est mieux les chenipotes. on peut parler vite fait également du système de poké récré. Alors, ça, c'est. Formidable. Innovation sortie de la R&D chez Nintendo. Les poké profitroll. Ah oui, c'est ça, ouais. Oh merde. Elles sont même pas du tout des profitroll, mais ça, c'est un autre débat. Voilà, c'est un peu le côté Nintendo de Pokémon. Hein, mais je crois que ce genre de truc était demandé en fait, mine de rien, par les joueurs de pouvoir pouponner ces Pokémon un petit peu comme dans. C'est Pokémon Channel 2. Ouais, c'est ça, ou Pikachu. Ayu, ouais. Ayu, Pikachu, voilà, c'est ça. Exactement, finalement, je pense que c'était plutôt demandé par les joueurs. C'est les un peu la suite logique, même. Puis, faut reconnaître que quand même. C'est niveau mimique et tout, ils ont bien bossé le truc hein, parce que même des dégueux tout moches dont on veut pas, quand on les gratouille et tout, on dit oui, non, non, non. Bon, quand même, ça sert à rien, mais c'est mignon, même peut-être mort. Dans l'idée, voilà. Je suis sûr, il y a des gens, ils passent énormément de temps dessus. Ah, ben oui, j'en connais qui ont passé 60% du temps. Et puis, ça apporte des bonus surtout, c'est ça, ouais. Ça apporte des bonus de ouf, ça augmente le taux de critique et ça t'empêche de mourir sur un coup, je crois. Ouais, et tu peux esquiver plus. Enfin, ça, d'ailleurs, heureusement que c'est désactivé lors des combats entre plusieurs joueurs. Ah ouais, ça aurait été le bordel. Déjà, c'est suffisamment le bordel comme ça. Il n'y a pas besoin de rajouter ça. Ouais, t'imagines, 6 esquives d'affilée, puis d'un coup critique, t'es mort. Super, t'es trop content, quoi. Et donc, à côté de ça, en parallèle, puisque finalement, tout se passe sur l'écran du bas, et puis on peut y aller à n'importe quel moment. Puisqu'on a juste à passer les différents écrans. Ouais, c'est vrai qu'on a plein d'interfaces différentes accessibles à tout moment du jeu. Ouais. Ce qui est un bon progrès par rapport aux montres qu'on avait avant. Ouais, mais dans Hearts Gold, c'était super bien fait en fait, hein, les menus. Ah ouais, moi je suis d'accord. Niveau ergonomie, Hearts Gold, c'est vraiment vraiment top. Donc on retrouve également en parallèle le système de perfectionnement virtuel. Ah, c'est bien aussi. On peut tirer avec son Pokémon sur un ballon. Et ça, c'est horrible. Mais ça te permet de gagner. C'est surtout anti-gaucher. Oh, mais les gauchers, t'es bien. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous avez contre les gauchers? C'est clair. Une Kalashnikov. Pas mal. Pas mal. Je suis gaucher, j'ai fini Kid Icarus Uprising. Ah bon? Non. Franchement, Bad Achievement. À quel niveau de difficulté? Bah après, je gaucher. Non, ce que tu peux choisir pour revenir sur Kid Icarus, c'est que tu choisissais la difficulté à chaque début de niveau en fait. Donc après, voilà. Sachant que le 0 c'était genre tu pouvais lâcher la console, tout allait bien, et le 9 c'était t'es mort en fait. Ah oui, non mais. Oui. Bonjour. Non, pour le coup, je mettais quand même un peu de défi parce que sinon ça servait pas à grand chose. Mais le dernier niveau de difficulté, le niveau 9, était juste injouable. Même le premier niveau, c'était même pas la peine d'essayer. Grave. Enfin bref, parenthèse fermée. Oui, du coup, on peut aussi faire augmenter les capacités de ces Pokémon. Oui, on peut booster les EV. Et surtout, ils sont visibles. Oui, enfin, voilà, ça c'est une énorme nouveauté. Ça, ouais. La révolution. Parce que s'il faut revenir aux générations précédentes, là je vais essayer de justifier mon temps de présence. Grosso modo, dans les générations précédentes, on avait ces fameuses EV. Alors c'est valeur d'effort en français, donc effort values en anglais si on prononçait mieux que ça. C'est pas mal. Ouais. Et donc en fait, c'était des points qu'on accumulait à force de faire des combats contre des Pokémon, des points invisibles, c'est ça le problème en fait, c'est que jamais on en parlait, même dans le manuel, même bien caché, écrit en hébreu, je sais pas. T'allais sur internet. T'allais sur internet pour le savoir. Et ça, c'est une énorme nouveauté, point de vue stratégique, point de vue, comment dire, compétitif. Et puis niveau intention aussi. Voilà. Ouais. J'ai l'impression que beaucoup de trucs finalement étaient prévus pour le côté compétitif du jeu. Ils assument enfin. Il y avait déjà des prémices de ça on en parlait l'autre fois dans Noir et Blanc avec les tournois contre les champions qui étaient eux déjà optimisés, qui nous obligeaient à potasser le truc. voilà. Et donc, ouais, le système de perfectionnement virtuel, veuillez m'excuser, permet désormais de voir ces foutus points, bon, de manière à peu près, hein, mais c'est déjà une énorme évolution comparée à précédemment. Et puis c'est pas si long, enfin, je veux dire, en 2 heures, on peut maxer totalement les EV d'un Pokémon. Ouais, alors qu'il heures, fallait facilement 10 heures. Le problème, c'est que c'est chiant. C'est chiant. C'est rébarbatif, quoi. Ouais, personnellement, j'en ai fait 4-5, et puis après, j'en pouvais plus, j'ai plus jamais touché. Écœuré. Ce qui n'est pas empêché après d'avancer dans le jeu. Ah, en fait, j'ai tout fait à la fin, moi. J'ai fait le jeu normalement à l'ancienne. Moi aussi, exactement. Moi, j'ai pas touché du tout aux F. Mais c'est ça l'avantage, c'est que on peut, enfin c'est un peu comme dans, comme beaucoup de choses dans Pokémon, c'est on fait un peu, il y a énormément de choses à faire, mais c'est indépendant de l'aventure principale, enfin du jeu en lui-même quoi. C'est des bonus, et c'est t'en prends pas, et puis si voilà quoi. Il y a puis, dépend, peut-être aussi de ton niveau d'implication dans le jeu, même si derrière ça t'empêchera pas de d'aller loin dans le jeu, de le finir, c'est toujours ça t'empêche quoi. Absolument pas de défoncer la Ligue Pokémon à la fin. Pas du tout, non. Pas du tout. Alors, on va quitter, donc, on était sur Bourg, Croquis et Quarelis. On va passer maintenant à Neuvarto. Alors, Neuvarto, c'est la première arène Pokémon aussi, le premier champion Pokémon que l'on va défier. C'est la première ville du Swag, non? Romain, un instant. Oui? Je crois qu'on n'a pas parlé du PSS. Ah ouais! Oula, c'est vrai. Oh, excusez-moi, oui, je suis. Voilà, le PSS. Mon dieu. Le Player Sort System. Donc on retourne à Aquarellis. Exactement, on retourne à Aquarellis. C'est ça, allez, hop, marche arrière, on a rien vu. Vol. Puis on a nos rollers, donc on peut c'est ça, et oui. Oh là là. Transition rétro. Rétro-pédalage, ouais. Donc. Le Player Search System, ça se passe également du coup sur l'interface de l'écran tactile, où là on peut voir en fait notre liste d'amis, ben, ceux qui sont connectés pour faire du combat, pour faire de l'échange, qui fait notamment partie des composantes importantes de Pokémon qu'on a pu voir. Et ça aussi, c'est trop bien, parce qu'on n'a plus besoin d'aller dans le centre Pokémon pour se connecter. C'est ce que j'allais dire. C'est tout ce qu'on faisait avant. Appeler son pote. C'était tellement à chier, putain, dans les anciens. Tellement long. Quoi. Puis après, on a des autres. En fait, en gros, ça simplifie toutes les fonctions multijoueurs par le passé. C'est pareil, les auras qui étaient déjà présentes avant, qui étaient chiantes comme tout à utiliser. J'ai jamais rien compris, perso. Mais en fait, maintenant c'est super simple. C'est tu cliques sur un copain, tu cliques une aura, tu lui dis tiens copain, je te donne une aura, et puis ton aura elle progresse. C'est tout simple. Alors maintenant c'est vraiment bien, c'est vraiment sympa. Et puis t'as des auras qui sont vraiment plutôt utiles quoi. Genre l'aura gain quand tu veux t'acheter ta chemise à 3000 balles, mais t'es content de l'avoir. Et l'éclosion aussi des œufs. Et oui, c'est vrai. Et oui. On retrouve également alors le street pass pour vous dire, j'ai pas non plus. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Sûr. Ça permet peut-être de, quand tu croises quelqu'un, après de faire un combat contre son fantôme, entre guillemets. Ouais, c'est ou de comparer, Il semble qu'il y avait un truc comme ça. On peut échanger nos films de dresseurs. Ah, après, ça c'est, on en reparlera, mais c'est génial ça. On en reparlera en temps voulu, mais. C'est trop compliqué à faire. Oh, t'es fou! C'est génial. On en reparlera. J'ai pas dit que c'était nul, mais c'est chiant à faire. Il y a aussi le Holokit. Ah oui, qui bouge, quand on bouge la 3DS. Hein, ça c'est génial. C'est l'apport de la 3D. Et puis surtout, c'est révolutionnaire. Quand c'est des machins dans le jeu, bon, on s'en branle. Mais quand c'est des trucs genre l'événement pour le poussifeu qu'on a avec le cadeau mystère et tout, eh bien, on voit sa maison avec un hologramme de la petite dame qui te parle. Oh là là, c'est ma maison, il y a la dame dedans et tout. C'est génial. Mais excusez-moi, en fait, c'est quoi le Holokit? Parce que, enfin, moi, je connais pas du coup. C'était intégré dans la 5e génération. C'est le téléphone. Pour... C'est le téléphone. Ah, ouais. C'est le Holokit, hein. Le FaceTime. Le FaceTime, en fait. Tu vois. C'est ça un peu. Ça te permet de discuter avec des personnages qui n'existent pas. C'est ça. Magnifique. Ça. Mais en plus, tu peux bouger, ça interagit en live. Ouais. Enfin, ça bouge quoi. C'est plutôt pas mal dans Bravely Default, quoi, mais. Voilà, alors tu voulais également parler peut-être, Chicago, je vois qu'il y a une petite note sur notre papier de travail, donc tout ça, notamment donc le PSS a été créé notamment pour gagner comme l'a dit Curita, notamment pour gagner en rapidité, parce que t'as pas besoin d'aller dans un centre Pokémon pour faire tout ça quoi. Donc c'est vrai que là-dessus c'est un gain de temps, c'est un gain en termes d'ergonomie aussi. C'est quand même beaucoup plus sympa à gérer, puis t'as un vrai intérêt du coup pour l'écran tactile quoi. Puisque c'est vrai que sur la version précédente, notamment je me souviens sur la 5e génération, on l'évoquait, où l'écran tactile finalement voilà servait à rien, à part le fait que c'était un deuxième écran qui nous permettait de voir les Pokémon que l'on pouvait avoir dans notre avec nous quoi. Donc pour le coup, c'est plutôt une bonne chose, un bon travail de la part de Nintendo à ce niveau-là. C'était encore plus rigolo dans la cinquième génération, puisque tu pouvais échanger, comment dire, n'importe où tes Pokémon, mais par infrarouge. Oui. C'est-à-dire, grosso modo, avec les deux mais consoles à 20 cm l'une de l'autre, quoi. Super, tu sais. Oh, et puis ici, on n'a pas parlé quand même du Wonder Stride, l'échange miracle. Est-ce la que ça, ça, c'est de la balle. Le concept, c'est con, hein. C'est, on choisit un Pokémon, on l'envoie en échange, et puis on récupère quelque chose que quelqu'un a envoyé, on sait pas. Voilà. Ouais, c'est un peu de chatroulette, quoi. T'as, gros, c'est ça. J'ai juste en sur 10 de tomber sur un. J'ai un mystère qui s'appelle Herpes qui a dû faire le tour du monde. c'est de la balle, hein. Et tu, vous avez récupéré des bons Pokémon ou à chaque fois c'était des. Alors, en fait, au début, à la sortie du jeu, tout le monde envoyait ses petites merdouilles, mais ça commence à varier parce que tout le monde fait des œufs pour être compétitif, donc il y a un peu de toutes les espèces avec des coups un peu particuliers qui tombent. Ça commence à devenir pas mal. Sauf que, évidemment, ça commence à devenir pas mal. Donc, il y a des mecs qui commencent à envoyer des œufs, des machins, des Pokémon buggés, qui te déglinguent toutes tes boîtes, qui te suppriment tout ce que t'as et qui foutent le dawa total. Ça, apparemment, c'est un ox, hein, quand même. Hein. C'était plus un dysfonctionnement de sauvegarde de la part d'un mec qui a décidé d'alerter le web entier que un truc vraiment vérifié. Ah bah, tant mieux. Mm. Si c'est limité, mais... Pour parler de bug, on peut peut-être évoquer aussi le petit le bug qui a eu lieu, pour lequel il y a eu une mise à jour... Ah, le bug de sauvegarde. C'est pour Illumis. Le bug de sauvegarde à Illumis, ouais. Ah oui, génial. Pour les versions digitales. Quand on était sur certaines parties de la ville et qu'on sauvegardait, ça pouvait corrompre la sauvegarde. Donc la foutre en l'air. Voilà. Ouais, ça fait peur. Et ils ont fait un cela dit, à chaque fois, je me disais, faut pas que je sauvegarde là-bas. Et puis le soir, j'étais fatigué, je m'arrêtais dans la rue, je sauvegardais. Bah, pareil, j'ai jamais eu de problème. Version physique, ça va. Physique. Ouais, bah, ouais. Version physique, t'as pas de soucis. D'accord. Ah, d'accord. Les versions téléchargées. Ouais. D'accord. Bah, très de bien. Toute façon, ils ont fait un patch, donc. Oui, oui. Le patch, le problème n'existe plus. Nintendo qui fait des patchs. Qu'est-ce qu'ils sont bons. Ouais, ils font des patchs. Ah non, mais Nintendo, la modernité, hein. Vu qu'ils font des jeux pas finis maintenant. Oui, faut pas s'habituer à ça non plus, quoi. Ils avaient déjà fait le coup avec Mario Kart. Qui était pas tiré aussi. Skyward Sword aussi. Oui, ah, formidable, Skyward Sword, c'était pas mal. Donc la Wii permettait d'avoir des patchs. Quelle alors c'est des chaînes, parce qu'elle sont était des patchs, connectée en fait. À Internet. Quelle console merveilleuse. Eh oui. Alors on quitte, donc là on quitte, on était revenu, mais on quitte du coup. On y revient. Et Coralis. Et on va cette fois aller à Neuvarto. On y retourne. Voilà, on y retourne, voilà, parce qu'on avait déjà été une fois. Où on retrouve le premier champion d'arène, qui est forcément un champion d'arène insecte. C'est-à-dire pas forcément. Mais qui est pas dur, en tout cas, qui est une bonne introduction au concept de. Bon, en même temps, il joue avec des insectes, quoi. Ah bah. Ça. Pourquoi pas, écoute. Il y aurait moyen de faire un bon truc, hein, mais. Non. Pas pour Game Freaks ni Nintendo, non, pour eux, y a pas moyen. Jamais. c'est mort. Et donc, on récupère assez facilement, je pense, si on a bien fait, fait grimper en expérience ces Pokémon. Oui. On récupère le badge qui, c'est vrai qu'il faut pas l'oublier, ça permet aussi d'avoir de pouvoir gérer des Pokémon qui sont plus puissants. Donc, c'est là, ça. Oui, ouais. La maîtrise monte plus vite qu'avant. C'est jusqu'au niveau 30, je crois, pour commencer. Ouais, parce qu'avant, c'était tous les deux badges que le niveau montait. C'était 30, 50, 70, il me semble, et après 100. Puis maintenant, c'est 30, ensuite 40, 50, et ça monte plus régulièrement. Pousse, ouais, c'est vrai. Ça te laisse une grosse marge. Et c'est pas mal, parce que quand on a récupéré des trucs en Wonder Trade, c'est plutôt pas mal. Et oui, alors on peut... Alors, du coup, là, on a fait notre... Avant même, d'ailleurs, on a commencé par l'arène, mais on a même déjà pu parler des rollers. Évolution, révolution du jeu. Les fameux rollers. On peut faire des tricks de ouf. Ouais, pour récupérer des. Si vous avez pas le backflip vrille en sautant par-dessus les corniches, vous avez rien compris au roller. Vous avez rien compris au jeu, même, j'ai envie de dire. Ah ouais, c'est clair. Non, mais le backflip vrille, quoi. Non, mais. Enfin, ouais, en dehors des tricks, c'est quand même bien la merde. Je sais pas. Je suis d'accord, c'est bien pourri. Faut s'y faire, mais une fois qu'on s'y est fait, enfin, moi, je passais plus de temps en roller qu'en vélo, hein, personnellement. Ouais, moi aussi. Bah, ça rend les déplacements vraiment très imprécis. En fait, c'est juste quand t'es à Illumis, t'as envie de vomir. Ouais, c'est ça. Si tu te déplaces en roller là-bas, c'est bon. C'est ça. Illumis, c'est le vélo, tout, partout ailleurs, les rollers. Voilà. Bah moi je les zappe quasi systématiquement les rollers. Faut les maîtriser un petit peu, mais après c'est vraiment, je pense vraiment que c'est plus pas... pratique que le reste. Ouais, DPG, c'est pas les rollers en soi qui posent problème, c'est les déplacements et le passage à 8 directions. Où Peut-être. Ou... Enfin, pour parler aux gens, ça fout vraiment la merde, quoi. C'est vrai que ça reste sur un quadrillage et que le roller, ça permet de se déplacer librement sur le quadrillage. C'est un peu bizarre comme idée, mais au final, ça passe pas trop mal. Faut s'y faire. C'est dur de s'y faire, ouais, c'est clair. Hein. Au début, même pour marcher droit, j'avais du mal, hein, moi. Je sais pas ce qu'il avait fait la veille. Quand tu parles à quelqu'un, c'est horrible. Ouais, notamment quand tu veux aller chercher un taxi, là, c'est super apprécié. Ouais. Mais après, oui, ça c'est dans Illumis, c'est différent aussi, parce que dans Illumis, t'es avec une caméra, pas à l'épaule, mais de dos, quoi. Ouais, elle est super. Et c'est, enfin, c'est super imprécis, c'est la merde. Dominosé. Bah, puisqu'on est arrivé à Illumis, restons-y. À Paris. Oui. Très bien. Paris, bah, la fausse Paris, hein, parce qu'il manque plein de trucs quand même. Hein. Ouais, mais il y a la Tour Eiffel. Et oui, mais il n'y a pas de Pokébab, déjà. Il n'y a, a pas de kebab de gris cuit. Ah non, pas de gris cuit parce qu'il n'est pas halal, gris cuit. Kebab de Watt-Watt, ouais. C'est pas mal ça. Il n'y a pas de kebab de Watt-Watt. Ou de l'énergie, ça c'est dans le, ouais, peut-être ouais. Dans la gamme un petit peu plus élevée, quoi. Voilà, ou de Faramp, ou de méga Faramp. Ah oui, oh là là. Très cher. Très très cher. Mais par contre, tu vas à la Tour d'Argent, là. Par contre, c'est à ce moment-là qu'on découvre le type fée. Donc le type, c'est à ce moment-là qu'on nous présente ce qu'est ce nouveau type. Exact, ouais. Puisque c'est... notamment, c'est le professeur, on voit ça notamment avec le professeur, si je dis pas de bêtises, qui... Le type V, il est présenté par ses assistants. Ses assistants, pardon, ouais. Et qui sont des... ouais, on sait pas trop ce qu'ils font, Ils sont vraiment useless, bah, ouais, voilà, c'est horrible. On sait ce qu'ils font, mais on veut pas le dire par politesse, mais ils foutent rien, en fait, ça va rien. C'est ça. Bon, après, ils mettent des masques à sortie. C'est beau, ça va. Après, c'est pas les seuls PNJ à être complètement useless dans le jeu, hein. C'est vrai, non, mais là, c'est les seuls à beaucoup. Autant s'exprimer, quoi. Non, et puis bon, ce sont des chercheurs, quoi, quand même. C'est des super chercheurs. Wow. Attention, avec des masques de super-héros et des petits des écharpes de couleur. Des méga chercheurs. Comme ça, les chercheurs, là-bas. Non mais c'est clair que ça fait partie des... Je trouve qu'il y en a beaucoup dans XY, des PNJ qui servent vraiment à rien. Et... C'est un peu hérité de Noir et Blanc, ça. Ah ouais, moi je sais pas, j'ai pas fait Noir et Blanc, mais du coup, Avant Noir je et trouve qu'il y en a vachement plus, quoi. Avant Noir et Blanc, les PNJ fermaient plus leur mouille sans qu'on aille... si on n'allait pas les solliciter, là... bon, ça peut prendre leurs aises, hein, c'est pas bien. Attention. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, du coup, du type fée? Est-ce que ça a énormément changé de choses? Ouais. Le seul souci, c'est que j'aime pas trop les Pokémon fées. Mais moi, en fait, il y a Exarneas, quand même. Ça me permet de jouer Azumarill Coloforce en type fée haut. Ouais. Sublimissime. C'est à la force d'un Groudon, ça tape en stabé à 90. Pour ceux qui connaissent, vous-même, vous savez. Est-ce qu'il y a des Pokémon, du coup, qui ont changé de type? Oui, beaucoup. Oui. Ouais. Mais il y a plus de changements de type que de nouveaux. Ouais, c'est ça. Des en fait, Pokémon voilà, genre garde-voix. Ils te disent, on a découvert le type fée, mais en fait, les mecs, il y avait Mélofée, il y avait Rondoudou depuis le début. Pourquoi vous n'avez pas pigé une seule demi-seconde que. Mais ils ont fait pareil avec le type acier à l'époque. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Bah, surtout Mélofée, quoi, c'est dans le long du Pokémon. Carrément, c'est Mais mec, vous. Enfin, je sais pas. Il y en a qui étaient quand même bizarres parce que Grumble qui est passé type fée. Oui. C'est dans la description du Pokémon en fait. Ah ouais. Je crois que c'est un Pokémon fée. Carrément, d'accord. Grumble, ils ont toujours un qualificatif dans le Pokémon. Ouais, ouais. Genre souris électrique, un truc comme ça quoi. Mais. Une oiseau. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'ils se réservaient des nouveautés à foutre pour les générations suivantes. Comme ils sont balèzes. Ouais. Vivement qu'on ait l'évolution d'Océan Kangourex. Hein. Mais ça n'empêche le nouveau type, ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé dans Pokémon, mine de rien. Depuis or et argent, en fait, effectivement, avec le ténèbre acier. D'ailleurs, c'était marrant parce qu'il y avait une attaque de type spec qui s'appelait ténèbre et il y avait le type ténèbre après le bronx, bref. Du coup, ouais, ça refait complètement l'équilibrage, notamment avec les Pokémon de type dragon qui, de base, avaient quasiment tous des stats pétés. Ouais. Et là, en fait, une seule résistance. Voilà, une seule. Non, deux. Deux non. Faiblesses, mine de rien. Oui, deux faiblesses, mais une seule résistance. Voilà, c'est ça. Et du coup, bah là, l'équilibrage est complètement refait, hein, puisque le type fée ignore totalement les attaques de type dragon. Il est super efficace, ouais. Ce qu'on peut dire aussi, c'est le réétalonnage qui a été fait des attaques, parce que mine de rien, certaines anciennes attaques qui ont été étalonnées, ouais. C'est-à-dire là comme ça de tête, hein, je vais pas y bien arriver, mais Tonnerre qui perd en puissance, par exemple, ouais. Darnué qui en gagne au contraire, ah. Et avec un Pokémon technicien, c'est-à-dire qui ne loupe aucune de ses 5 attaques, ça peut faire très mal. Voilà, il y a plein de trucs comme ça, du nerf ou pas, qui vient remettre un petit peu d'équilibre dans le jeu. Mais je crois qu'on pourra préparer des Pokémon méga qui s'en foutent un peu d'équilibre. Qui ruinent tous les bons efforts. Voilà. Peut-être n'allez pas trop vite non plus. N'allez pas trop vite non plus. Sur les méga évolutions qu'on évoquera un peu plus tard. C'est aussi l'occasion de, comme on a Illumis, ça. C'est l'arrivée de la fameuse team, la team Flair. La team Flair, Swag. Oh là là. Oh là là. Ce style. Non. J'ai jamais vu ça. Si. Là, normalement, tout le monde s'étripe. Allez. Mais non, moi je suis avec eux. Non, moi je suis contre eux. Je trouve que c'est une grosse merde. Et quand même. Non, mais je vais ressortir mon exemple. Mais des mecs qui te vannent sur ton style vestimentaire avant des Pokémon, quand même, c'est pas mal. Oui, j'avoue, c'est cool, mais ils sont insupportables. Oui, ils servent à rien, mais ils ont la classe. Mais en même temps, ouais, voilà. Avant, ils servaient à rien, ils avaient pas la classe. Ouais. Maintenant, moi, ils ont un style. Voilà. Non, bon, j'aimais bien la secte de. C'est le leur de style, hein, faut pas leur voler, hein, mais. Ouais. On va leur laisser leur style quand même, hein, faut pas abuser. Ouais, avec la coupe de cheveux en forme d'étron, là. C'est une houppette, voyons. Une houppette. Non, mais le malheur de ces mecs-là, quand même. Moi, j'attends les cosplays, hein. Merci, on a d'ailleurs. Trop de charisme. Non mais le malheur quand même de ces mecs là, c'est qu'ils sont passés après N, quoi, qui est un petit peu le meilleur méchant de l'univers de Pokémon, quoi. Donc Alexandre, il est classe. C'est Terry Bogard dans Palette Swap. Forcément, il est classe. Surtout N aussi, c'est-à-dire qu'il y a aussi une histoire derrière, quoi. C'était pas. Voilà, il avait ses raisons, quoi. Ah oui, j'ai l'impression qu'ils sont méchants pour. C'est vrai que la Team Flair, petite mention sans spoiler, hein. Franchement, on n'avait pas vu un méchant aussi bien caché depuis le film Kung Po où le méchant s'appelle Maître Méchant. Voilà. Non, tu m'aimes, leur motivation illogique, leurs motivations sont très étranges, quoi. Elles sont pas cohérentes. Ils ont cherché une motivation pour être méchants. On va tuer tout le monde. Non, mais ça, c'est les fans de JoJo's Bizarre Adventure, ça. Il y en a quelques-uns ici, attention, fais gaffe. Ouais, c'est pour ça. Gaffe ta gueule. Et il y a un truc qui est très chiant aussi, mais je me souviens plus si c'est pareil dans les. Il me semble que oui, mais c'est que non seulement ils ont tous le même design, mais en plus ils ont tous les mêmes Pokémon. Et c'est franchement très chiant. Oui. Ah ouais, c'est. Quand on a 10 que t'affrontes d'affilée, c'est très très chiant. Bah, depuis la génération 1, c'est comme ça. Mais je me souvenais plus en fait. Ils ont deux Pokémon. Mais c'est. Voilà, bah, ça, ils ont les mêmes Pokémon. Allez, c'est ça. T'as 10 gros de mort d'affilée. C'est ça, on a des types poison, on a des types ténèbres, on est méchants. Oh là là. Ils ont forcément des Pokémon méchants, quoi, en tout cas, qui donnent l'impression. On va avoir des faits, hein. Ah, forcément, ouais. C'est clair que des méchants avec des ronds doudous, ça, c'est. Ah, je pense qu'à la prochaine gêne, on aura la team fée, hein. La team Poupidou, je sais pas, la team Choupette, je sais pas, un truc. Team sucré. La team Pipou. La team Pipou, c'est. La team Kawaii. Ouais, c'est ça. Qui veut le kawaiiser le monde. Ce serait bien. Avec Hello Kitty en personnage phare. Oh là là, mon dieu. Vidéodresseur, alors je. Non, ça sert à rien. Franchement. Bon, j'ai recommencé une partie, mais si vous avez un doute sur la vidéodresseur, je vous aurais envoyé la mienne. C'est de la balle. T'as passé 3 jours à réaliser ta vidéodresseur. Même pas, mais il y a des flammes et tout, j'avais. Des bruits et tout, c'est quoi, c'est du videomaker ou c'est ça. Hein. En fait, t'as combien 12, 10 scènes, je crois, 10 petites scènes de quelques secondes, et tu peux paramétrer chaque scène, la caméra, si t'affiches toi ou ton Pokémon préféré, le texte que t'affiches, la couleur du texte, le fond, ouais, des trucs comme ça. C'est pour te répéter, quoi. Mais c'est le Adobe Premiere de Pokémon XY, quoi. C'est ça, c'est totalement Adobe Premiere. Il y a des trucs de ouf à faire. Et ça sert à quoi en fait ? Rien. À rien. Là, tu peux l'uploader sur le site Pokémon et le montrer à tous tes copains. C'est comme les Beatstrip sur Facebook. On est tellement dans l'actualité, on est tellement dans l'air du temps, c'est fou. Hein. C'est sûr. Là, ce podcast ce sera has-been dans une semaine. Hein. Déjà qu'on est en avance sur la sortie du jeu. Oui, enfin, on n'a pas eu la chance de pouvoir jouer au jeu longtemps en avance non plus. C'est vrai. Avant sa sortie. Les vêtements aussi, du coup, qui prennent une... Magnifique. On peut changer... Ouais, mais là, j'ai une grosse gueulante. Il y a moins d'habits pour les garçons que pour les filles. Et ça, c'est vrai. Et c'est les coupes de cheveux, c'est pareil. C'est dégueulasse. Ça, ouais, ça dans mon pays, c'est trop. Non, mais bon, plus lui, il écoute du J-Rock. Alors, les coupes de cheveux et les habits, c'est sacré pour lui. Il carrément. Peut même pas mettre les trucs de filles. Ouais, ça, c'est... c'est scandaleux. Tout est dans la version japonaise. Ah là là. Ah, ah ouais, parce que c'est une nouveauté quand même. Il y a du ouais, il y a du Armani quand même. Il y a du Armani. Moi j'ai un col en V, très clair. Ah ouais, il y a les magasins de luxe où tu peux rentrer que si t'es assez stylé. J'ai pas compris comment on était assez stylé vraiment, je mais je me suis fait fouler. Ouais, faut faire des trucs dans Illumis pour augmenter une jauge invisible. D'ailleurs, un truc que j'ai toujours pas compris, c'est que quand on change les tenues, selon la tenue qu'on porte, le petit jingle quand on valide, il est différent. Ah bon, j'ai pas compris. Ouais, et ça j'ai pas compris. Attention. T'en as un pour les luxe où ça fait des notes de musique, ça fait un peu du genre du jazz. T'as le truc normal et t'en as un autre qui fait des espèces de feux d'artifice en fond. C'est bizarre. Ça dépend peut-être de la boutique. Ouais, non, ça dépend vraiment. J'ai absolument pas fait attention. Ça dépend du set de vêtements. Ça m'a beaucoup troublé. Bon, après, j'ai oublié d'y penser après, quoi. Du coup, je m'en fous. Mais faut dire que vraiment, je me suis intéressé après avoir fini le jeu. Donc, voilà, là. Et puis les coiffures à débloquer, quoi. Ils sont trop moches. Là, mais il faut aller 50 vous êtes fois allé loin quand même les gars. Ah bah oui, faut aller 50 fois chez le coiffeur pour une misérable coupe de cheveux. Heureusement qu'on peut pas changer la coiffure du Pokémon, quoi, parce que sinon. Eh mais on peut. Tu rigoles, on peut. C'est vrai. Il y a un salon de coiffure pour Coiffarel, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah oui, mais Coiffarel, je sais pas ce qu'ils ont avec ce Pokémon, mais. Bah c'est Paris. À Paris, tout le monde a des caniches. Évidemment. Bien sûr. Mais c'est horrible. Paris, la vie lumière. D'ailleurs, il n'y a pas de RER, hein, je suis triste. Oui, il n'y a pas de métro. Et puis, toutes les prévisions sur les teams de la galère et tout sont tombées à l'eau. À la place, on a eu la team claire. C'est triste. Hein. Puis même, je pensais pouvoir trouver la rue Saint-Denis, le quartier du Marin, du Marais, mais bon. Voilà. J'avoue, le quartier du Marais Pokémon, ce serait beau. Hein. Ouais. Mais au final, la ville est quand même assez petite. Si, il y a des petits trucs marrants. Enfin, il y a plein de ruelles de partout. Il y a plein de ruelles et tout, mais au final, il se passe rien. Il y a plein de gens qui veulent se battre avec toi. T'as des cuistots en pause, t'as des mecs qui sont perdus. T'as plein de... Ah oui, ouais. Au fin fond d'une impasse d'une ruelle super glauque et tout. C'est ça, ouais. C'est comme en vrai à Paris. Hein. C'est ça. La ruelle glauque, tu fais tabasser. Coucou, tu veux voir mon aéromythe? Faut dire aussi qu'Illumis n'est pas disponible dans sa... On peut pas visiter Illumis totalement dès le début, quoi. Parce qu'on... Il y a des pannes de courant. C'est la France. Le retour à Illumis. En plein jour, quoi. En plein jour, tu peux pas te promener parce qu'il y a des pannes de courant. C'est des travaux. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est toujours à Paris. Enfin, voilà. C'est vrai. C'est réaliste. C'est bien fait, hein, putain. Puis les mecs sont orange, quoi, comme la DDE. J'ai pas fait gaffe, ça. Un petit gilet orange pour qu'il soit vu de tous les jours. Magnifique. Ce goût de la mode jusqu'à. Le pas, très. Ils sont allés jusqu'au bout des choses, quoi. Ils ont, c'est beau. Ils ont voulu respecter chaque élément qui fait que Paris est Paris. Mais du coup, voilà, c'est. Illumis, on y va, on y revient, et du coup, on part. Et surtout, on chope le starter. Oui, j'allais oublier. Parce qu'en fait, c'est le premier jeu Pokémon où Professeur il y a deux Swag. Starters. Non, c'est pas le premier techniquement. Parce que dans les anciens jeux, t'en récupérais après avoir fini. Par contre, c'est le premier où tu récupères avant la ligue, non? Oui, c'est ça. Oui. Sans compter Pokémon Jaune où t'avais tous les starters disponibles, machin. Ouais, oui. Là où t'avais qu'un seul starter. Mais ouais, normalement, c'était après la ligue dans les autres jeux que t'obtenais les starters. C'est un peu comme là, à la fin de celui-là. C'est ça. Oui, tu es encore un starter. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il introduit, puisque le starter de la première génération, donc à savoir Carapuce, Bulle Bizarre et Salamèche. Ah là là, il nous avait manqué. Récupère les fameuses méga gemmes. Et oui, les méga gemmes pleines de mystères. Trop mystérieuses. De méga mystères, même. Une des grandes quêtes de ce jeu, quoi. Oui. Ça nous tient en haleine. Que sont les méga gemmes pendant genre 20 minutes, quoi. Surtout qu'on n'avait pas, oui, surtout si on suit l'actualité, on savait déjà à peu près à quoi s'attendre. Il n'y a pas eu 5 trailers du tout dessus, non? Non, et puis il n'y a pas eu non plus un animé qui faisait un teasing juste sur ça non plus. Hein. Non, pas du tout. Absolument pas. Pas de quoi tu parles. Un animé qui à la base n'avait rien à voir avec Pokémon XY. Ils ont bien fait leur coup, hein, quand même, parce que c'est bien foutu. Hein, merci bravo les petits mecs. Merci Internet, moi. C'est ça. Ah là là. Donc on va quand même partir d'Illumis parce que bon, Illumis c'est bien, mais bon, faut aussi, mais pas trop non plus. Pas trop non plus. Hein. Il y a des routes à visiter, il y a des dresseurs à battre, à combattre. Et alors, on va notamment se diriger vers Fort Valintas. Ah, sur le chemin, quand même, il y a le skatepark le plus triste du monde. C'est clair. Il est vide, vide. Personne. Il y a personne, bon. Et puis tu peux rien faire. Parenthèse fermée. Si tu récupères une super potion dans le monde. Ah, wow. Impressionnant. C'est un peu comme le mec qui te file des Pokéballs au début. Bah, tu fais, moi, tu sais, quand j'ai vu cette partie-là, je me suis dit, peut-être qu'on va pouvoir. Ouais, moi aussi, j'étais tout fou. Grimper, faire des trucs de ouf, et puis non. Mais non, tu peux rien faire. Il y a des tricks, mais bon. Mais là, tu peux pas les faire, les tricks. Ouais, tu les as pas encore. Ça. Non, mais même si tu reviens, à part tu peux un, pas tu les faire tous dans Illumis, quand même. Ah bon? Ouais, il me semble. Hein. À part le dernier, tu les as tous à Illumis. Il me semble. Ouais. Ce dernier, tu l'as dans avec des punks cachés, enfin, c'est bon, on en reparlera. Ouais, c'est ça, je pense. Punks cachés. Et donc, du côté donc, de. Voilà, on arrive notamment qu'après avoir utilisé le roller, après avoir avancé très très vite sur la route, on va à Fort Vanitas, et ça nous permet aussi de revenir, parce qu'on a vu quand même déjà depuis le début pas mal de clins d'œil à la première génération. Donc, notamment là, d'ailleurs, un clin d'œil qui a été dit et lu dans différents tests, hein, puisque c'est à ce moment-là qu'on découvre Ronflex, c'est ça? Ouais. Tel qu'on le voyait aussi dans la première génération. Mais il y a plein de choses. On en parlait aussi tout à l'heure du fait que Pikachu, bah, il a son cri caractéristique, ouais, et que c'est le seul à l'avoir. Il y a la forêt qui ressemble beaucoup. Bah, enfin, beaucoup, le monde ressemble beaucoup à celui de Rouge. Bleu et Rouge. La première partie ressemble beaucoup. Après, ouais, quand la même, première ça... partie. Et il y a quand même pas mal de petits clins d'œil et de. Il y a le fait aussi de pouvoir rejouer du coup avec Salamèche, Dracaufeu ou Salamèche. Oh là là, le favoritisme encore. Ça ne pas du tout parce que je pense que j'ai dû prendre le Pokémon Herbe ou Pokémon Eau pour celui-ci. Ah. Donc pour le coup, non. Moi, j'ai pas utilisé Starter de Kanto. Je l'ai mis direct dans la boîte. Le rebelle. Oh là là. Discrimination. Ouais. Et sur le chemin, d'ailleurs, on l'a pas là le multi-ex. C'est bien avant. On l'a avant. Illumis, c'est ça. Alberto, c'est un peu avant le premier. C'est juste après la première arène. Juste après, voilà. C'est la fille qui te donne, en fait, qui te dit, mais tu as dit. Ouais, voilà. C'est la sœur de la championne d'arène. Ça vaudrait le coup de dire un petit mot dessus qui permet, contrairement à avant, qui s'équipe plus et qui permet de booster, de donner la moitié de l'XP à tous les Pokémon. C'est complètement pété quand même. C'est du pauvre. Même ceux qui en branlent pas une. Il y a un nouveau truc aussi sur l'XP, c'est quand on remplace. Quand on remplace son Pokémon, ils se partagent pas l'XP. Enfin, ouais, ils ont tous les 100%. Deux de l'XP, mais 100%. Ouais. On peut faire ça avec les 6 Pokémon, du coup. T'envoies tout le monde. Et... Ouais. Par contre, il y a un truc que beaucoup de gens ont oublié, c'est que dans le tout premier Pokémon, enfin dans les versions rouge, bleu, jaune, etc., le multi-ex partageait l'expérience entre tout le monde. Ouais, c'est-à-dire divisé par 6, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis, ouais, parce qu'à l'époque, on pouvait pas équiper les objets ni rien, donc c'était un outil plus qu'un objet. Exactement. Et là, il est retourné à son statut d'outil, mais en vachement plus pété. Complètement pété, ouais. Mais c'est quand même super utile parce que pour tout ce qui est faire évoluer, remplir le Pokédex, t'es content de l'avoir un peu. Je sais plus ce que je voulais dire. Il y a le pour le multi-ex, puis ça reste quand même une option. C'est vrai que c'est très très pratique quand tu fais de l'élevage et tout, mais si tu veux te faire un peu de challenge ou quoi, tu peux le désactiver. Je suis pas forcément d'accord. Ça facilite grandement le jeu. Je suis pas forcément d'accord parce que en fait aussi, il faut voir qu'avant, on restait coincé contre tous les champions avec le starter parce que c'est celui qu'on avait dès le début et qu'on pouvait faire tous les combats qu'avec lui. Là, avec le multi-ex, comme ils sont tous à niveau, on peut se dire ah bah là, ce champion, je vais pas le faire avec mon starter, je vais pouvoir essayer un petit peu mon Brutalibré, mon machin et tout. On va pouvoir se permettre de. Voilà. Petit placement. Ouais, totalement. On peut se permettre d'essayer d'autres Pokémon. On n'est plus obligé de jouer que les plus forts parce qu'ils sont tous aussi forts. On peut avoir une team plus variée. Et ça, c'est quand même pas mal niveau plaisir de jeu, je trouve. C'est pas mal, mais tout faire avec. C'est vrai que ça facilite. Ouais. Le problème, c'est que là, en fin de jeu, ça n'a pas vraiment été adapté. Mais globalement, c'est pas. Enfin, ces Pokémon, ça a jamais été dur. Ouais. C'est vrai, mais c'est vrai que c'est un reproche que j'ai à faire sur le jeu dans son ensemble, c'est que pour moi, même à côté des anciens, il est vraiment très facile. Mais t'as pas souvenir des anciens alors, hein, parce que ouais, c'était pas si dur. Moi, je non, c'était pas si dur, mais le full tortank, ouais, les mains dans les poches, je fais que surf et alors, pistolet à eau. le fait de voir, Ça se tient. C'est en comparant par rapport à noir et blanc, j'ai l'impression quand même que la progression est plus facilitée. Ouais. Je me souviens d'avoir galéré sur le dresseur, le champion. Je crois que le jeu le plus dur, c'était platine. Je sais pas. Moi, j'aurais dit noir et blanc, parce qu'en fait, noir et blanc, il est corsé. Hein. La différence avec noir et blanc par rapport aux autres, je trouve, c'est qu'ils ont plus deux Pokémon dans leur équipe, les autres dresseurs. Ouais, ils en ont plus. Ils ont des vraies équipes presque. Ça c'est chiant aussi, parce que les mecs que t'affrontes, ils ont deux Pokémon. Ouais, au bout d'un moment c'est plus relou qu'autre chose. Même la ligue, hein, ils en ont quatre. C'est ça, ils auraient au moins pu en mettre six à la ligue. Ouais. C'est ça, pas un peu n'importe quoi. C'est vrai que la plupart des combats dans le jeu sont une formalité, quoi. Ouais. Est-ce que vous, du coup, parce qu'on parle des combats, est-ce qu'il y a eu des champions d'arène qui ont été plus compliqués que d'autres à battre ou non? Non. Moi j'ai trouvé qu'en gros, je me souviens même plus des champions d'arène. Pareil. J'ai pas trouvé ça spécialement dur, mais il y a quand même un pic, je trouve, aux alentours du 4e-5e badge. Puis après ça redescend à nouveau, et puis à la ligue la ligue est pas non plus ultra facile. C'est pas non, ouais, c'est pas bien équipé. C'est... Ça enfin moi aussi, je l'ai fait. Ouais, aussi moi je l'ai fait en défini directement. Le jeu. Okay. Je l'ai pas fait en mode parce que par défaut dans les options on peut choisir soit choix qui permet quand l'adversaire envoie un Pokémon de changer directement son malus ou en défini, et là à chaque fois qu'on change de Pokémon ça nous bouffe un tour, c'est les règles normales quoi. Et moi j'ai joué en défini, donc ça a peut-être un peu joué sur le fait que je me mangeais des attaques gratos du coup pour faire pic. Ouais. Ça peut changer. Ah ouais. C'est vrai. On retrouvait donc on était rendu à Fort Vanitas. Oui. On retrouvait notamment le château de combat. Alors, à quoi ça correspond C'est un truc avec des grades, en fait. Je sais pas si c'est... Et des bourges. Ouais, des comtes, des vicomtes, des trucs comme ça. Je sais pas si c'est une nouveauté ou pas. Si. C'est dans cette forme, ouais. Et c'est... Mais il place très tôt dans le jeu et tout. Moi, je l'aurais plus vu à la fin, quand post-game. Oui. Bah à la fin c'est un autre truc. Qu'en fait l'intérêt c'est d'y revenir petit à petit quand tu progresses dans le jeu, ils sont de plus en plus forts. Puis à la fin t'as quand même des sacrées pointures. Ouais. Mais bon le problème c'est que la progression est tellement fastidieuse que. Bah c'est ça, t'es obligé d'affronter pas mal de monde assez facilement en plus au début pour monter en grade et affronter des mecs. Niveau fric, c'est parfait. Il donne la blinde de flouze. Déjà que de base tu gagnes du fric facilement dans Pokémon. Quand tu veux acheter les habits de luxe, quand tu veux acheter les habits de luxe, t'es content de l'avoir ton château quand même. J'ai jamais dépensé autant d'argent. Ah c'est pareil. Hein. Et puis les gemmes, les CT, putain c'est cher. C'est trop cher. C'est cher la vie à Paris. Il y a beaucoup de choses qui tournent. J'ai jamais vu autant un jeu Pokémon où il y avait autant de trucs qui tournaient autour de 100 000 balles. Hein. Bah c'est le vélo, non, il y avait pas un vélo à 100 000. Attends, on tourne pas dans les mêmes endroits. Le vélo n'était pas à 100 000. Non, le vélo il te le file. Ah ouais, donc c'est pas comme dans Pokémon Rouge et Bleu, quoi. Mais Pokémon Rouge et Bleu, il était à un prix inaccessible. Oui, c'était un million, en fait. Million. Ça a topé à 999 999 l'argent dans le jeu, donc on pouvait pas, tout simplement. On retrouve aussi la fameuse pension, où on peut laisser des Pokémon... Faire des cochonneries. Est-ce qu'on met un mot, alors, sur la fameuse méthode Masuda? Ah, on peut. Alors, la méthode Masuda. Alors, c'est un truc qui a été implémenté par donc Junichi Masuda, monsieur Pokémon X et Y en gros, pour favoriser les échanges à travers le monde et qui permet tout simplement de diviser par deux les chances d'avoir un shiny si jamais on fait s'accoupler un Pokémon qui vient d'un autre pays que le nôtre. De multiplier par deux quand même. Ouais. Et ouais. Et déjà que le ratio a été baissé. Ouais. Dans les versions X et Y. Avec ça en plus, on se retrouve avec environ une chance sur 2000. Alors, c'est rare, mais comparé à avant, c'est quand même assez hallucinant la différence. Sur 80 000 à l'origine, quoi. Dans Noir 2, Blanc 2, on pouvait monter jusqu'à une chance sur 380. Ouais, c'était grâce au Pokéradar, je crois. Non, c'était le carton quelque chose, je sais plus trop. Ouais, t'obtenais un objet. Ah oui, il était trop dur à avoir ce machin. Ouais, oui, il fallait remplir le Pokédex. Je sais pas s'il y a dans celui-là d'ailleurs. Non, je crois pas. Enfin bref, c'est une méthode, juste un petit truc qui a été mis pour favoriser les échanges mondiaux. encouragé. Ça, ouais, c'est vrai. Ça et le Prismillon aussi. Bah oui. Parce que le Prismillon, en fait, il a des ailes de couleurs différentes selon son pays d'origine, c'est ça? Oui, ouais, c'est vrai. Ça, ouais. Selon ouais. la cartouche. Et du coup, vous êtes tombé sur des Pokémon Shiny sur cette version? Ouais. Moi, j'ai moi, encore, moi. Moi, j'ai un Golet Shiny. C'est un petit champignon. Tout moche. Oh là là. Et même pas de bol. Mais je l'aime bien. Ah bah oui. C'est le tien. Ouais. Mon Golet. Et le Shiny, quoi, tu vois. Bah oui. Bah oui. Ah, mais il y en a qui. Pas, au fait, le Shiny. Faut oui. s'expliquer quand même. Ah oui, c'est vrai, parce qu'on avait parlé l'autre fois, du coup, ouais. C'est apparu dans Vas-y. Or et Argent. Dans Or et Argent, c'était déterminé à partir des DV, c'est les ancêtres des IV. Et grosso modo, si un Pokémon avait 10 de DV partout, il était shiny. C'est pas 15 ? Non, c'était 10. Ah, ok. Voilà. Et donc, comme je l'avais dit, ces stats-là, bien cachées, elles ont été changées dans les troisième générations. Et donc là, à partir de là, ils ont dit, bon, ben, un shiny, un chromatique en français, c'est une chance sur 8162 ou 8192. Voilà, exactement. Ah, oh, ça connaît. Hein. Voilà. et donc voilà, donc les shiny, une chance sur 8000 et des brouettes. 192. Ouais. T'es content quand même quand t'en trouves un. Ouais. Maintenant moins, mais quand même. Oui, quand même. Il y en a quand même. Je connais des personnes qui en ont eu beaucoup, beaucoup. Hein. Je suis assez jaloux, j'avoue. Surtout, c'est le fait de tomber sur un shiny et de se dire, faut pas que je le tue, quoi. Voilà. Ou alors le shiny, c'est Gravalanche, il t'explose à la gueule. C'est du vécu. Hein. Ça, c'est pas mal. Ou le shiny du safari, c'est de la balle aussi. Hein. C'est aussi du vécu, c'était génial. C'est clair, et voilà, donc pas, là, tout le monde n'a pas eu la chance encore pour l'instant de tomber sur un shiny. Et tu joues avec Kurita ou... Oui, bah oui, attends. J'ai un shiny, je le garde dans ma team. Ah, c'est ça, hein. Jusqu'à on respecte les shiny, quoi. Mais c'est que des shiny dans ma team. Bling, bling. Beau gosse. Oh là là. Tant que ça se finisse, hein. Oh là là. Alors, on retrouve des preuves comme quoi on est en France un peu partout, notamment au fameux palais chef-d'œuvre. Alors chef-d'œuvre, pas du tout écrit comme on pourrait l'imaginer. Écrit comme un kikou en fait. On va dire que c'est un jeu de mots. Oui, voilà, comme il y en a pas mal au niveau des noms, aussi après. Alors laissez le bénéfice du doute. Oui, voilà, on va dire ça comme ça. Et voilà, ils l'ont écrit à la japonaise, quoi. Donc avec des décors, on retrouve donc notamment des décors et la représentation de différents monuments et lieux français. D'ailleurs, on a pu le voir déjà. Donc Illimis, c'est Paris, donc il y a la Tour Eiffel. On voit aussi dans différentes régions de France, on va retrouver des éléments, des monuments caractéristiques. Je pense notamment, moi forcément en Bretagne, où on retrouve quand on arrive sur la partie ouest de la carte, où on tombe sur des menhirs, des dolmens. D'ailleurs, si je puis dire, en tant que sudiste et râleur, il manque un petit peu toute la partie bien de la France. Hein, c'est la France sous l'occupation. C'est ça. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier de quel côté étaient les Japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà, je fais mon deuxième point, c'est bon. Ah, j'ai réussi ma mission, j'ai fait m'en aller. C'est vrai que la carte fait vraiment penser à la carte sous l'occupation, quoi. Ouais, parce que c'est troublant. Hein. Mais t'as vraiment que le nord de la France qui est disponible, quoi. Et puis sinon, au palais chef-d'œuvre, tu t'as pas dit, mais il y a Coiffarel. Ah, oh, et Coiffarel, c'est de la balle. Coiffarel, c'est un Pokémon de merde. Et il est fort en plus, hein. Ah bon. Il a une capacité qui diminue par deux les attaques physiques qu'il subit quand même. C'est donc c'est pas mal. Caniche. C'est un caniche, mais majestueux, parce qu'il est français. Monsieur. Et puis on peut le coiffer. D'où le nom. Puis tu peux lui courir après dans les jardins de Versailles. Oui, ça voilà. Aimé, hein. Ça c'était, non, c'était pas cool. Mini jeu de ouf. Hein. Ça a traumatisé tout le monde. Moi, c'est Professeur Layton cross Pokémon. Alors comment je le coince? Ça vous a marqué en tout cas. Hein. Oui. Non, un peu de merde. C'était tellement. Puis à la fin, il y a un feu d'artifice avec sa copine. Hein. Voilà, puis la musique, ouais, magnifique. La musique, quoi, quand tu la supportes plus de 20 minutes, c'est juste atroce, quoi. Non, mais oui, c'est un de ces passages. En plus, c'est tout ça pour une Pokéflûte. C'est ça. C'est un des passages totalement useless du jeu. Qui vous apporte quoi, la Pokéflûte? Ça arrive au Ronflex. Ronflex. Ah, bah oui. Clin d'œil. Wink. Tu le sens le clin d'œil, hein? Tu la sens un peu quelque chose, là? Ah, c'est clair que là, faut la... Oui, faut... On l'a senti passer. En effet, je comprends le non-intérêt de cette partie-là, quoi. Alors, on va traverser après différents éléments, différents lieux, je veux dire, différentes caves, différentes grottes. Ça ne comme... sert à rien. Hein. Ouais, voilà, ouais, c'est chiant. Honnête. Des grottes, quoi, de toute façon, ouais, ça n'a jamais servi à grand chose. Est-ce qu'il y a des Nosferapti par milliard? J'ai posé la question. Bien sûr. Oui. Ouais, moins qu'avant, quand même. Il y a plus de variétés, du coup, il y a moins de Nosferapti. Attention, dans la cave Nosferapti, il n'y a pas de Nosferapti. Et puis, il y a des chuches-murs. Non, mais c'est vrai qu'il y a des trucs assez perturbants. Hein, la logique est totale. Il n'y a aucun Nosferapti dedans. Ça m'a surpris d'en voir si peu des Nosferapti. Donc... C'était peut-être que des Shiny à chaque fois, quoi. Je sais pas. Si tu tombes sur un Nosferapti, t'es content pour une fois. Dans quel monde en vie, quoi, où les Nosferapti sont rares. Ah, c'est fou, ça, ouais, c'est clair. Allez, temps à changer. Eh ben oui. On est dans la sixième génération, les gars, faut évoluer aussi. Hein. Ah bah, c'est ça. D'ailleurs, en parlant d'évolution, sans transition. Wow. Oh là là, de... wow. Méga bah, transition de ouf. On va arriver du côté de la grotte miroitante et de Yon 13, notamment, puisqu'on avait découvert un peu le principe des méga évolutions. Et ce principe des méga évolutions va être mis en pratique, à ce moment-là. Donc, alors, comment définir la méga évolution? Alors, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'introduction, ça ne concerne que quelques Pokémon, pas tous. 28 Pokémon. 28, ouais. 28 Pokémon, donc. Précision. Dont certains qui servent à absolument rien. Qui, ouais, c'est ça. Et d'autres qui étaient déjà pétés et qui sont. Et oui, voilà, pétés. C'est ça. Et puis, méga pété. Méga tirant aussi, pourquoi pas. Hein. Méga Karchakrok, pourquoi pas aussi. Méga Mewtwo, allez hop. Attends qu'on y est. Déjà Mewtwo interdit, Méga Mewtwo, il va falloir inventer une catégorie pour lui. Méga Arceus, allez hop. Ça va venir. C'est le type abusé, quoi, Méga Mewtwo. Surtout que certaines sont très moches. Hein. Ouais. Bon, c'est évolution graphique aussi, et il y en a, elles sont plutôt classe, il y en a, elles sont très très laides. Moi j'aime pas l'idée, globalement. Je trouve que c'est un peu le concept foireux qui est de la gêne. Hein, moi j'aurais préféré des vraies évolutions. Plutôt. Ouais, pareil. Oui, voilà. Pareil, ouais. Parce que là ça gâche. Genre, un truc. Une évolution à ce lourdo au hasard. Et puis à partir du moment où tu où c'est une capacité qui est pas disponible pour tous les Pokémon, tout de suite ça déséquilibre. Puis pourquoi Draco? Oula. Guillaume. Oui. Enlève ce micro de cette prise électrique. Range ce Pikachu. Tout de suite. C'est dégueulasse parce que c'est encore Dracofeu qui a l'avantage, qui est super, il a deux méga évolutions. J'ai mis Mewtwo aussi. C'est vrai. Ouais, Mewtwo aussi. Mais Mewtwo c'est un légendaire. Dracofeu, tu vois, faut choisir entre Carapuce, Salamèche et Bulbizarre, et si tu prends pas le bon, ben non. C'est pour faire plaisir aux nostalgiques. C'est ça. Mais par contre, Dracofeu gagne enfin le type dragon. Ouais. Et dans son nom, vous savez. Ouais, c'est logique, ouais. Ce qui est, il crache le feu aussi, ouais. Tout à fait. Et on est d'accord que la méga évolution, ça ne peut fonctionner que quand le Pokémon est atteint sa dernière évolution possible. Oui. Il sera déjà une évolution. Oui. C'est ça, ouais. Quand il évolue pas normalement, ouais. C'est une digivolution, en fait. C'est ça. Et ça, c'est beau. C'est exactement ça. On prend le principe de ce qui se faisait dans Digimon. C'est vrai qu'on a déjà avec la Poké Récré, on a le côté Tamagotchi et tout, hein, on commence à... Ah, ça vient de Digimon. Ah, c'est ça. Le plan est en marche. According to the Keikaku again. Du coup, on peut peut-être revenir à ce moment-là par rapport aux méga évolutions, par rapport au combat en ligne. Parce que forcément, ce déséquilibre-là, est-ce qu'il se retrouve pour ceux qui ont fait des combats en ligne, est-ce que ça se retrouve En fait, il y a une espèce de consensus qui fait que les gens plus ou moins sérieux vont faire des équipes sans, quoi. Ouais, mais si t'affrontes un mec random, il aura forcément un méga Pokémon. Quoi. Ouais. C'est un peu. Mais globalement, c'est pas tellement un problème parce que c'est comme quand tu jouais avant contre des mecs qui avaient un Mewtwo. Pareil, quoi. C'est... Oui, clairement. Par contre, il y en a qui ont des. Les plus dangereux, c'est pas forcément ceux qu'on croit. Il y en a certains qui ont des. Des Magikarp. Mais non, mais le petit oiseau passe rouge là. Des six Magikarp. Ah, ouais, passe rouge. Ouais. Le petit passe rouge, le petit piaf de qui est feu vol. De base, quoi, au début, ouais. Ouais, et quand il évolue avec sa capacité du monde des rêves. Toutes ses attaques de type vol, elles ont la même priorité que Vive Attaque. Donc il attaque toujours en premier, et il est stabé et tout, il fait des ravages. Comme quoi, c'est pas forcément... Il y a eu des gros grosse magouille niveau metagame, hein, j'ai l'impression. Ensuite, je me suis pas trop penché dessus, hein, je m'en fous un peu, mais... Bah, c'est encore les balbutiements. Ouais, voilà. De toute façon, après, pour l'instant, c'est la foire aux aberrations. Ça va être réglé, quoi. Il va y avoir des règles. Bah, d'ici 2-3 mois, je pense que. Ouais. Et pour l'instant, c'est vraiment la foire à l'arnaque, hein. Il y a des trucs qui sortent de nulle part. Bah, c'est toujours pareil, dès qu'il y a nos Pokémon. C'est ça, j'ai une petite question. Oui. Il y a quand même des limites, non, aux méga Pokémon. Je veux dire, c'est un par équipe déjà. Et surtout, c'est une évolution par équipe. Parce que s'il meurt et que tu le ressuscites, tu peux pas le méga évoluer à nouveau. D'accord, et ça dure quelques tours seulement? Non, ou c'est, c'est permanent jusqu'à ce qu'il jusqu'à la mort. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est l'été. Si tu le changes et que tu le remets après, il est encore en méga. Il est encore en méga évolution. Et puis aussi, un autre truc à préciser, c'est que quand tu décides de passer en méga, ça se fait avant n'importe quelle attaque. C'est le premier truc du tour. Ah oui, donc ça met tout de suite l'ambiance, quoi. Ah ouais, voilà, donc, Tu peux évoluer directement. Super Saiyan. Tu perds même pas un tour à le faire méga évoluer. Non. C'est vraiment gratos, quoi. Ah oui, ah si, il faut que le Pokémon ait un lien avec toi, il paraît. Mais bon, tu fais 3 combats et puis tu peux le faire méga évoluer. Oui, mais celui que tu récupères dès le début, il a un lien avec toi, tu sais pas trop comment. Même les autres, hein, même les autres, 3 combats et c'est réglé. Hein. J'ai vraiment du Lucario, il te kiffe, mais tu sais pas pourquoi. J'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont implanté cette... Je sais pas non plus. C'était pour faire une nouveauté. C'est Digimon. Moi, j'ai utilisé une fois. C'est faire une nouveauté pour faire une nouveauté, quoi. Ça apporte rien de... Après, ils aiment bien expérimenter des trucs, hein. Ça s'est déjà vu dans Noir et Blanc, hein. Ouais, mais de là, tu vois... De là, changer le système de jeu. Ouais. Enfin, change pas. Bah, ils doivent avoir leur idée, mais... Ça a l'air implanté un peu à l'arrache, quoi, parce que... On parle quand même des mecs qui ont intégré le tripping dans Smash Bros. Brawl, quoi. T'as d'enfoiré. C'est pas le débat, bien sûr. Hein. Pour expliquer le. C'est la même idée. Hein. Pour expliquer le principe, c'est quoi? Le tripping, en fait, c'est un truc dans Smash Bros. Brawl. Quand tu cours, au hasard total, des fois tu tombes. Tu te casses la gueule. Tu t'abuches. Ouais. C'est pour c'est faire chier ceux qui font de la compète, mais. Au pif total, ouais. C'est comme si dans Street Fighter tu passais en stun, quoi. Gratos. Ouais. C'est. Alors quand on joue comme ça, c'est rigolo, mais les mecs de tournoi, ils sont pas contents. Hein. C'est inexploitable en plus comme mécanique. C'est du pif total, c'est ça qui est magnifique. Alors on découvre aussi, durant le jeu, la fameuse usine de Pokéball. Ah oui. Waouh, génial. Fantastique. Le truc qu'on rêvait de faire, quoi. Bah c'est la Sylph, quoi. La Sylph SARL. Ouais. Non, la Sylph, c'est le truc de recherche. Là, c'est l'usine, carrément. Waouh, d'accord. C'est vraiment la manufacture, machin. Et on a toujours avec des tapis de... roulants. Ouais. On a toujours autant de Pokéball ou pas dans le... Oui, c'est pareil. Même, hein. Je crois que ça a pas bougé. Hein. Ouais, pas il me semble qu'il y en a pas de en plus. Pas de nouvelles. Hein. Il y a même pas de méga Pokéball. Au-dessus de la Master Ball, c'est en capture 2 d'un coup. Ça va venir. Un Pokémon attrapé, le deuxième gratuit. Ouais, la Pokéball qui capture et qui met au niveau 100, ça va venir. Moi, je vous le dis. Ou la Pokéball qui capture plusieurs Pokémon en... Ouais. Bah, ça serait pas mal ça pour capturer les hordes dans les combats, ouais, de hordes des machins. On a pas parlé des hordes, hein, mais... On a pas parlé, ouais. On a pas parlé des hordes. C'est inutile. Ah, c'est pas inutile du tout. Bah, on va avoir les capacités. C'est très chiant parce que la console. C'est vrai qu'on peut avoir des capacités secrètes, cachées, ouais. Du monde des rêves, comme vous appelez ça avant. Et on peut, il y a aussi une combinaison de Pokémon qui peut être très efficace à fonctionner ensemble. Je pense, non, il y a pas un système de. De toute façon, dans les hordes, t'es tout seul contre un seul Pokémon contre 5. Excusez-moi, je confonds avec les doubles. Je confonds avec les doubles. Ouais. Ouais, les doubles, ouais, il y a toujours cette question. Bah, d'ailleurs, il y a des nouveaux coups, hein, qui, il y a de chaque génération, ils en rajoutent 2-3 en espérant, je sais pas, ils doivent espérer qu'un jour les gens vont s'intéresser aux doubles. Bah, on n'a pas parlé des combats volants. Ouais, bon, il y a une raison. Et oui. Alors moi j'en ai fait aucun parce que j'avais personne qui volait juste. Bah, moi j'en ai toujours qu'un dans la team et il se prend l'âme de Rock ou je sais pas quoi et il crève. C'est par ses autorités, ils autorisent pas le lucha libre dans le combat. Mais oui, mais en fait la moitié des types vols sont pas accessibles parce que techniquement ils volent pas vraiment. Ils ont pas d'aile. Et puis le mieux, c'est Bruta Libre. Ouais. D'autres duos, ils apprennent vol, mais ils peuvent pas faire les combats aériens. Ils peuvent pas voler. Là, quand même, c'est fort. C'est la logique. La logique, ouais, c'est clair. C'est parce que Bruta Libre, il vole pas, il saute très haut. Mais oui, il lui faut une corde de ring. Une troisième corde. C'est elf ou corde. C'est quand même un des Pokémon les plus classes qui. Je crois que c'est le nouveau Pokémon le plus classe. Il a fait l'unanimité, lui. Là. Mais on sent vraiment qu'il y a des. C'est pas le plus classe. On sent vraiment qu'il y a des bandes armes. C'est bon, tu vas y aller. On sent vraiment que dans Pokémon XY, on a des vrais problèmes de rythme. Où il y a des zones, notamment par rapport aux commentaires que vous m'avez donné, il y a des zones qui sont. Sur les cavernes gelées. Caverne gelée, c'est pas là où on chope Zygarde ? Non. C'est là où on voit Blizzoroi à la fin. Et tu le vois et puis tu repars. Pour Blizzoroi. Blizzoroi. Oui. Et ça fait partie de ces moments inutiles où on essaye de te faire croire qu'il y a un scénario et en fait il n'y en a pas. Une feinte. Et c'est très chiant. Oui, parce qu'on est d'accord qu'il n'y a pas de scénario dans Pokémon XY. Hein. Non, mais il n'y a jamais eu de scénario dans Pokémon. Voilà, hein, jamais eu. Pas noir, blanc. Il n'y a pas de mystère. Hein. Dans Noir et Blanc, ils ont essayé de faire genre il y avait un scénario. Mais non, en fait. C'est comme on disait fin. L'autre fois, à la fin, c'est combat d'ultra laser, le monde s'envole, tout s'explose. Comme le livre de Gallium. Gallium revient du futur. C'était bien. T'as vu Pokémon Z? C'était cool. Non, c'est pourri. Ah, et c'est celui que j'ai acheté. Bah, c'est pourri. Voilà. On retrouve sur la fin, par contre, sur la fin du jeu, on retrouve le même principe, c'est-à-dire la route de la Ligue Pokémon, notamment. Où, du coup, là, c'est une longue route victoire. Voilà. Moins chiant que d'habitude. Pourquoi est-ce qu'il y a Sulfura? Non, c'est vrai que la route victoire, ça va. La première fois où j'ai rencontré des difficultés, en fait. Ah bon? Mais la première fois du jeu, quoi. Bah, on va dire que c'est plus, c'est selon les Pokémon, des fois, c'est un peu considéré comme soit un donjon, soit juste comme une route, quoi. C'est vraiment, ça dépend des versions. Bah, c'est juste que maintenant, on n'a plus besoin de CS pour se balader dedans. Ouais. Puisque ça, c'est, ouais, voilà, c'est obligatoire. Juste au début où il y en a légèrement besoin, il y a pas besoin de grand chose, quoi. Et donc, là on a la combien d'heures à peu près de jeu, à ce moment-là. Ça dépend des gens. Moi, j'avais une quinzaine. J'étais à 37. Ouais, je pense qu'on peut tabler. Non, ouais, 20-25, c'est une bonne moyenne. Ouais. C'est pas mal. Hein. Niveau longueur, il est honorable. Hein. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de jeu post-league. Mais on en reparlera. Ouais. On dira ça après. Bah, on peut même. On fait la Ligue Pokémon. Hein. Ah oui. Je crois que vous en avez parlé. Excusez-moi. Il y avait l'artiste dans la Ligue Pokémon. Mon Dieu. L'artiste. Il y avait le chevalier. Ah, oui. Le chevalier, c'est le meilleur. Le premier, ah oui, alors ils sont tous un peu cons, hein. Ouais, mais ils sont à classe. Ah ouais, non, le chevalier est classe. Le chevalier, il te parle en vieux français. En vieux français, ouais. En François. Ouais, pas mal. Lui, il est pas mal. Et l'artiste, il te pose une question si tu considères les combats Pokémon comme de l'art. Et sinon, si tu réponds oui ou non, il est content ou il est pas content. Et ça change rien. Ça change absolument rien. C'est juste qu'il est content ou il est pas content. Moi, ce que j'aimais bien dans la Ligue Pokémon, c'est les salles qui sont un peu too much, genre contre le champion de l'eau. Oula, oui. Il y a la salle qui est inondée carrément. Oui, c'est génial. Ouais. Il y a des flammes, bien classe. Des flammes partout, c'est génial. Il y a la championne dragon qui est une mamie. Alors ça, c'est assez perturbant. Hein. Après les Peter et tout, qui étaient les mecs avec des capes et des dragons. Des capes. Toi, t'as pas joué à noir bleu, noir 2, blanc 2 quand même. Hein. Ouais, j'avoue. Mais même là, tu vois, il y avait un standing quand même. Ouais. Il y avait quand même un truc un peu, tu vois, c'était un peu l'élu, machin mystique. Ouais, enfin, la dernière, quand même, c'est une gamine, quoi. Oui, d'accord, mais c'est une gamine, mais c'est un peu la gamine élu, machin et tout. Ouais, ouais, d'accord. Bah, c'est l'élu. Alors, là, c'est une mamie qui te fait, limite, elle te donne des d'ailleurs, cookies après le combat, Je pensais qu'elle allait m'envoyer un ectoplasma ou un truc comme ça. Mais oui, c'est vrai qu'on dirait Agathe de bleu rouge. Ouais. En plus, sympa. Elle est sympa. Puis après, il y a le champion, oh là là, on sait la pas championne. Qui c'est. Faut voilà. Pas spoiler. Ah, on spoil pas, attention. Grosse surprise. Surprise de ouf. J'ai mis du temps à me rappeler qui c'était. C'est pareil. Je me suis dit. Ah ouais. Un combat qui est plutôt pas mal, hein, d'ailleurs. Hein. Bah ouais. Méga garde-voix. Niveau équilibrage, c'était le meilleur combat du jeu, hein, je pense. Ouais. Bah, je trouve aussi. Mais il y en a toujours que 4. Non, mais c'est bien que ce soit le dernier, au moins, c'est déjà ça. Ouais. Tu te dis, au moins, j'ai fait tout ça pour ça, quoi. Voilà. Mais au sac l'inverse, hein. Et puis ouais, après on a battu la ligue et puis voilà. On fait plus rien. T'attrapes Mewtwo. Si, il y a quand même une superbe cinématique. C'est vrai. À avec la fin, où t'arrives au pied de la tour Eiffel et que. Et on affronte encore un mec. Ah ouais, mais là c'est du spoiler pur donc. Ouais. Bon. C'est là où ils essayent de relancer un peu un semblant d'histoire. Ouais. Mais non. Avec un moment très touchant. J'ai presque pleuré mais pas. C'est vrai que c'était beau. Hein, c'était beau. Parce qu'une fois le jeu terminé, qu'est-ce qui vous reste à faire? Alors, 5 légendaires, et c'est tout. Et remplir le Pokédex. Non, ouais. Je sais pas, je dis ça au pif. Bah, 4 légendaires. Ouais, des oiseaux. Des oiseaux et Zygarde. Frappés. Bah, attends, il y a Mewtwo, il y a Zygarde, oui, il y a un oiseau par version. Ouais. Donc ça fait 3, mais. Ça, c'est complètement con d'ailleurs. Ouais. Tiens, bien, ils ont encore ramené. Ouais. D'ailleurs, les Ivelta, les Xerneas, là, on est obligé de les capturer durant l'histoire. C'est comme noir et blanc, ouais. Ils sont liés au scénario. Ouais. Ça, c'est depuis Ruby Sapphire, de toute façon. Ivelta, il est trop classe. Ruby Sapphire, t'es trop obligé. T'étais pas obligé, non? Tu pouvais le canner et le machin s'en allait et puis c'était fini. Mais depuis noir et blanc, t'es obligé de l'attraper et de te battre avec après. Même diamant perle, je crois, en fait. Peut-être. Je sais plus, diamant perle. Si, parce que les catch rates étaient affaiblis du coup. Mm-hmm. Ah, ouais. Sûr de les attraper. Voilà. Voilà, il reste 3 légendaires. Ah, ouais. Si, il y a quand même un truc qui peut occuper pas mal si ça intéresse. La maison de combat. Il y a la maison de combat, il y a la chasse au méga gemme aussi. Parce qu'il y en a beaucoup, quand même. Bah, 28. Ouais. 28, ouais, du coup. Enfin, 28 moins parce qu'elles sont réparties entre les deux versions. Ouais. Mais ouais, il y en a facile une bonne, une douzaine, même plus. C'est vrai qu'il y en a pas beaucoup, en fait, d'exclusives. Ouais, c'est tout. Du coup, le safari des amis. Et il y a le safari des amis, ça c'est de la balle, hein. Ouais, ça c'est bien. C'est sympa. Surtout pour se moquer des gens, hein. Pour expliquer, vas-y. Alors, le safari des amis, c'est qu'en fait, ça prend tous les gens qui sont dans votre liste d'amis 3DS, mais alors tous les gens, même ceux qui ont pas le jeu, hein. Et en fait, ça leur attribue un type et 3 Pokémon au hasard de ce type. Ou 2 s'ils ont pas. 2 s'ils ont pas le jeu. Voilà, s'ils ont pas le jeu. Ou s'ils ont pas battu la ligue. Et donc, chacun. Et donc, on se tabasse. Bah, non, en fait, c'est juste un petit safari où tu vas choper des Pokémon. Et plus t'as d'amis, plus t'as de Pokémon différents. D'accord. Et en plus, ils ont la capacité cachée. Mais faut que le mec soit connecté quand tu le fasses. Quand tu vas dans le safari. Ah ouais, pour la capacité. Oui, oui. D'accord. Et donc oui, bah c'est rigolo quoi, c'est bon. Et il y a des trucs moi je me souviens le village Pokémon par exemple où il y avait l'entraînement d'une grotte qui m'était interdite parce que j'avais pas encore battu la ligue Pokémon. Ça a un intérêt c'est là où on chope Mewtwo ouais. Bah c'est tout. D'accord. Ouais. Vraiment je vais y aller alors. Et puis par contre, t'attends pas une grotte à la rouge et bleue, la grotte azurée et tout, hein, c'est tu rentres, il est là. Il est là. Ouais. C'est moi, c'est Mewtwo. Il est dodo, il se retourne, il fait voilà. Bienvenue. D'accord. Il se retourne, il fait je suis Mewtwo, et puis voilà. Salut, t'es russe. Il parle, t'as Mewtwo qui parle quoi. Non. Même pas. Il fait un bruit bizarre. Par contre, c'est marrant, tiens d'ailleurs, de voir comment les cris, ils les ont remaniés de manière à ce qu'ils paraissent un peu plus. Un peu moins midi quoi, qu'ils fassent plus vrai cris. Ils n'ont pas trop réussi quand même. Ils avaient gardé les mêmes depuis la Game Boy. Donc... Ouais. Au bout d'un moment, avec la 3D, ils se sont dit, merde. On va faire des sons en 3D. J'allais le dire. Des sons en 3D. C'est un peu ça. Hein. Puis voilà, c'est fini. Voilà. Et tada! On peut revendre son jeu et puis attendre le prochain. Quoi. On attend Z. Z? Est-ce que vous allez, après avoir fini le jeu, après avoir, on va dire, complété le plus possible sur Pokédex, est-ce que vous allez faire du jeu online ou ça vous intéresse pas du tout? Je pense pas. Moi, j'ai recommencé direct presque, en fait. J'ai fait ce qui s'appelle le Wonder Trade Challenge, qui consiste à capturer les 6 premiers Pokémon qu'on voit et à les échanger en échange miracle direct et à faire le jeu avec ces 6 Pokémon. C'est assez rigolo. Je suis tombé sur qui? Ah, alors je suis tombé, je sais plus exactement. J'ai eu un Caninos japonais. J'ai eu quoi, un métamorphe. Oh. C'est chiant. Des conneries comme ça. Qu'est-ce que j'ai eu? Un Mysterve. Un chenipan qui s'appelait hashtag YOLO. C'est mon main lui. Hein. C'est mon héros. Hein. YOLO le chenipan, il est là. Hein. Donc t'as pas le droit de changer de Pokémon. C'est ça. C'est la règle. C'est la règle du challenge, c'est un peu le Nuzlocke moderne, quoi. C'est quasiment impossible, quoi, si tu... Non, parce que maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure, les échanges miracles sont assez variés. Donc, tu t'en sors. Oui. Par contre, un truc chiant, c'est qu'avec le multi-exp et la limite de niveau, parce qu'en fait, avec le multi-exp, quand t'as un Pokémon échangé, ça fait que le principal, celui qui combat, il gagne le double, et tous les autres, ils gagnent le taux d'XP normal. Et du coup, ils deviennent surpuissants à une vitesse incontrôlable, et le temps qu'on ait les badges, ils sont tous impossibles à contrôler, on est trop. Et puis du coup, ils font n'importe quoi. Et puis le jeu, il est... Il se barre. C'est horrible. Complètement incontrôlable. Je sais que c'était trop facile le jeu, bah maintenant... Mais là, franchement, c'est incroyable. Hein. Parce qu'en fait, ça fait comme si tous les Pokémon de ton équipe faisaient tous les combats du jeu. Plus un qui fait le double. Donc je suis pas arrivé au bout encore, mais voilà, vache, c'est... là j'ai à peine eu le deuxième badge. Ouais, tu peux contrôler jusqu'au niveau 40. Putain, ils sont tous au niveau 38. Je vais comment jusqu'au troisième? Surtout vu l'écart entre le deuxième et le troisième, je vais être mal. Sinon tu désactives le multi-exp. Ouais, c'est ça. Mais même au bout d'un moment, même en désactivant le multi-exp, on va être trop haut. Ouais, ce qui est continu quand même. Ça monte tellement vite. Ah, tu m'étonnes, ouais. Le mec, il gagne le double, forcément. Mais c'est rigolo, ouais. C'est... Qu'est-ce que vous en avez pensé, chacun, au final, de Pokémon X? Ouais, parce qu'on troll pas mal depuis le début, mais... Ouais, mais au final, moi, j'ai adoré. Ah, moi, j'ai adoré aussi. C'est celui que je préfère avec les premiers, je crois. Ah, oui, bah, en fait, il m'a énormément rappelé... la première génération, et du coup c'est ça qui m'a vraiment plu. Bah, c'est son plus gros point fort, moi, je trouve. Enfin, c'est vraiment des plus gros points forts. Mais un peu trop scénarisé, je trouve. Ouais. Scénarisé. Ouais. Pour rien. Bah ouais, c'est ça, en fait. Problème. Le problème, c'est voilà, c'est scénarisé pour rien. C'est un peu trop dirigiste, mais sinon ouais, c'est super agréable. Et puis il y a énormément de choses à faire différentes. Ouais. Tu peux t'attarder sur plein de choses, quoi. Mais ça manque juste de post-game. Voilà, le post-game est assez pauvre. Mais ça va faire comme platine, je pense. Faut leur attendre Z. Les méga évolutions, c'est un peu la nouveauté qui sert à rien. Ouais, mais bon, tu peux les zapper, quoi. Si tu fais pas de combat en ligne, tu peux ne pas les utiliser. Du coup, ils auraient pu faire plus de Pokémon. Puis niveau ambiance, quand même, c'est de la balle, celui-là. Je trouve que c'est mon préféré, je pense, niveau ambiance. C'est pas ma région préférée, mais c'est pas bon. Ouais, niveau musique, niveau décor et tout, c'est vraiment... Alors, la 3D doit jouer, hein, mais... Ouais. La musique du professeur Platane. Puis la région des punks à chiens, quoi. Mais c'est tellement de la balle, la région des punks à chiens. Et quand on lit la définition de la région, c'est quand même là où la jeunesse désœuvrée d'Illumise va se réfugier, quoi. Et c'est toute une région avec des vieux immeubles pétés. C'est 9-3, quoi. Tu descends dans les sous-sols, il y a des poubelles de partout et tout, et tu vois des vieux punks et tout qui t'apprennent des tricks à roller. C'est ma région préférée, ça. C'est de la balle. C'est quoi, c'est l'hôtel Désolation ou un truc comme ça? Ouais, des machins comme ça, ouais. T'as des barricades et tout partout, des murs à casser. C'est ça, c'est génial comme région. Ça change en plus. Il y a aussi un gros travail d'adaptation encore. Comme d'hab, mais là, il y a des références. Très bien, encore une fois. Je retrouve du Bigard, il y a des trucs. Bigard, tu fais référence, quoi. Tu te demandes d'où ça sort, quoi. Attends, c'est quoi la référence à Bigard? C'est à l'hôtel, tu fais un boulot de réceptionniste, ouais. et tu décroches le téléphone et il y a le mec à l'autre bout qui te fait ah, c'est pour réserver un court de tennis. Oh, putain. Oh mon dieu. Okay. Il y a aussi une superbe référence. Non, je rigole, c'est pour manger. Il y a aussi une superbe référence aux Inconnus que personnellement j'ai trouvé magique. Mais... Vas-y. C'est quand tu regardes la télé, alors je sais plus exactement où. Ah oui, c'est Salut Bande de Tarés, ouais. C'est super l'après-midi, donc Bioman, quoi. Oh là là, oui. Mais ouais, il y a plein de bonnes idées, enfin, il y a plein de références cachées dans. Comme d'hab, en fait, au niveau adaptation, les traducteurs, ils se sont fait plaisir. Il faut jouer dans toutes les langues pour avoir toutes les langues. C'est dommage qu'ils se fassent pas autant plaisir sur les noms des Pokémon, j'ai envie de dire. Parce que Fennec, C'est clair qu'ils sont pas déchirés là-dessus. Mais il y en a des forts. Au niveau des Pokémon, il y a des très très bons Pokémon, et il y en a, ils sont vraiment, c'est horrible. Ouais. Trousselin, je sais pas d'où il sort, mais faut le virer. Trousselin. Il est mignon, mignon. Mais en plus, il est utilisé en ligne, hein. Oui, il est trop fort, attends. Il est dans le metagame, hein, Trousselin. Il est totalement. Ouais, c'est un acier fait, c'est normal. Qu'il a une capacité à la con, je sais plus c'est quoi, bref, mais. C'est assez surprenant, hein, pour l'instant. C'est vraiment rigolo de regarder un petit peu des matchs, ce qui se fait en ce moment en ligne. Il y a pas mal de streams sur Twitch. Ouais. Il doit y avoir pas mal de streams sur Twitch. Et c'est assez rigolo de voir, c'est vraiment les balbutiements des stratégies, c'est assez marrant. Il y a des gens qui essayent n'importe quoi, ça veut rien dire. Il y en a, tu te dis, mais il va perdre. Et puis non, en fait, je sais pas ce qu'il fait, tu comprends rien. Il y a encore des nouveaux objets, donc. C'est ça. Ça change encore les stratégies. C'est vraiment marrant. Voilà. Donc c'est un bon épisode Pokémon, en tout cas. Clairement, oui. Un des très bons jeux de la 3DS, c'est un bon épisode. Sur cette fin d'année, quoi. À conseiller, alors aussi bien à ceux qui découvrent la série. Ah, c'est un bon jeu pour découvrir la série, je pense. Ouais. Ah, les enfants, ils vont aimer. Hein. Et c'est un bon jeu pour ceux qui ont lâché, je veux dire, aux premières générations. Et c'est un bon jeu pour ceux qui ont tout fait déjà. c'est un bon jeu. C'est vraiment, il est solide, hein. Plus que les autres, je trouve. Vraiment, tu t'amuses en fait, juste. C'est vrai. Ça a pas de prétention particulière, mais c'est juste super bien fait. Ouais. Tu t'amuses. Tu vois pas le temps passer, quoi. C'est vraiment à l'ancienne. Il n'y a pas de considération, machin. oui, alors on va faire un scénario, oui, alors on va faire la stratégie. Cosmique. Non, là, c'est on fait un jeu Pokémon, ouais. Il va être trop bien, et puis voilà. Bah, c'est l'intérêt aussi, du coup, de ne pas forcément avoir de scénario quand on s'intéresse vraiment au gameplay. Ah, ouais. Ouais, c'est ça. Et comme le gameplay, comme l'idée de base, fonctionne toujours autant, on ne voit pas le temps passer, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Donc, une bonne, en tout cas, une bonne pioche, là-dessus, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci à avoir, même s'il peut y avoir des problèmes de rythme sur certains endroits qu'on a pu voir. C'est vraiment bizarre. Ouais, comme tous les Pokémon, quoi. Il a les défauts des Pokémon en général. Mais toutes les qualités. Et toutes les qualités. C'est beau. Approuvé par Podcastination. Ah, oui, c'est beau. Totalement, hein. Totalement approuvé. La rédaction s'engage. Et quelle rédaction ? Quelle rédaction ? Je ne sais pas de quoi je parle, mais c'est pas grave. Abonnez-vous. Au premium, premium podcast. Et bientôt la nouvelle version. Hein. Ils vont mettre du orange, ça va être de la balle. Du orange et du noir. On a commencé sa trollée, on va finir sa trollée encore. Eh oui, il faut. Tous les chemins mènent au troll. C'est quelqu'un aurait quelque chose à rajouter sur on laisse sur Gameblog. Non, on va pas commencer. Hein, ça va. Non. C'est bon, laissez Julien Chies tranquille, laissez Carole Cahu tranquille. Ça suffit. Et c'est Carole Q. je ne cautionne absolument Romain reprend le podcast. Moi j'ai changé d'adresse. Fais ton rôle de host. Ouais. Ah oui, non, mais je vous laissais parler. Je vous écoutais religieusement jusqu'à ce dérapage de fin de parcours. Quelle erreur. On est fatigué. Erreur fatale, tout à fait. Mais voilà, j'espère que, en tout cas, on a fait deux émissions de podcastination. Même, on a fait même le tour de Pokémon. Des premières versions jusqu'à Pokémon X et Y, donc le dernier jeu que, comme vous l'avez compris, a été totalement approuvé par les personnes ici présentes. Même jusqu'à vous qui n'a pas joué. Jusqu'à vous qui n'a pas joué, voilà. J'ai totalement validé. J'approuve que la mienne, quoi. On valide pour lui, en tout cas. Il approuve Z. Mais si, voilà. Tu l'approuves, mais tu ne le sais pas encore. En tout cas, une chose est sûre, vous ne serez pas gêné par les piles de sauvegarde comme vous avez pu mettre sur une version. Oui. Non, là, c'est de la mémoire flash, ça a beaucoup bien. Version or et argent. Et ben, c'est fou. Voilà, c'est sur ces bons mots qu'on vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, une bonne soirée, quel que soit le moment auquel vous écoutez cette émission. Et on vous dit à la prochaine, à bientôt. Au revoir. Ciao. Salut. Au revoir.